tarde é uma hora, meio-dia nos Açores. O presidente. Please read your new text message. Les passagers pour le vol Arc-en-Ciel Orléans sont invités à se présenter à la porte d'embarquement du vol 96.2 FM. Départ imminent. Please read your new text message. Chers passagers, dernier appel pour le vol Didier Co, porte d'embarquement 96 2 FM. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Chères auditrices, chers auditeurs, chers passagers, bonjour. C'est Didier, votre pilote, qui vous parle. Bienvenue à bord du vol Alpha Echo Charlie 96.2, radio Arc-en-Ciel Orléans. Il est presque 14h et vous embarquez pour le vol Didier Co. Le rendez-vous qui ouvre les portes de tous les univers. Chaque jeudi, de 14 à 16h, je vous embarque à bord d'un vol découverte. 2 heures de talk show où l'on décortique les sujets les plus variés avec nos invités. En cabine, studio, VIP ou au bout du fil. Didier Co, c'est de l'insolite au fondamental, du débat passionné à la découverte surprenante. Les jeudis après-midi, où la seule limite est la curiosité. Retrouvez-moi en compagnie d'invités pour 2 heures d'échanges, de musique, de témoignages et de surprises. Bienvenue dans Didier Co, le talk show qui ne s'interdit aucun sujet. Art, science, société, sport, musique, passion, culture, l'essentiel est ici. Et pour finir ce voyage de 16h à 17h, on continue avec 1 heure de musique en haute altitude. Le temps du décollage, je vous demande d'attacher votre ceinture. Un petit point météo, le ciel est clair, la visibilité est bonne, le vent est nul, paré pour le décollage. Notre altitude de croisière de 31 000 pieds, soit 9500 mètres. Vous pouvez déboucler votre ceinture. Vous êtes sur la fréquence 96.2 à bord du vol découverte Didier Co. On court tous après le temps. On accumule du stress. Et parfois, on a juste envie de crier un bon coup sans que les voisins n'appellent la police. Et si cet endroit existait? Et si au lieu de garder tout à l'intérieur, on apprenait à se libérer, à se comprendre, et peut-être même à se reconnecter à soi. Bienvenue dans ce miroir. Aujourd'hui, on va croiser les regards, les approches, et peut-être bousculer quelques idées reçues sur le bien-être. Alors, dans Didier Co, une question simple mais essentielle. Le vrai bien-être aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas en train de passer à côté? Vous êtes sur Didier Co, radio Arc-en-Ciel 96.2, une petite escale musicale, et je vous présente mes invités du jour. c'est Stéphane de Saran et j'écoute Didier Enco sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bonjour, c'est Stéphanie d'Orléans. J'écoute Didier Enco sur 96.2 Orléans à Arc-en-Ciel. Bonne journée. Didier Enco, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Eh bien, bonjour mesdames. Bonjour. À l'unanimité, bonjour. Eh bien, ça fait plaisir de voir trois charmantes personnes en face de moi dans le studio. Ça change de d'habitude. J'ai toujours très souvent des hommes, mais là, pour une fois, ça va être trois femmes pour moi. Ah, dis donc, quel plaisir. Eh bien, écoutez, on va se présenter un petit peu. Alors, ben, bienvenue dans Didier & Co. Je pense qu'on va parler un petit peu tout au long de l'après-midi du bien-être avec différents sujets. Alors, dans l'invité principal, j'ai Karine, que je connais un petit peu. Mais par contre, je vais demander à deux autres personnes de se présenter. Normalement, il y a une personne que je vous voirais, mais bon, aujourd'hui, elle m'a dit « Non, on se tutoie ». Donc, bien docteur, je vous promets, on va se tutoyer. Et Justine, pareil, hein, si vous le souhaitez, si vous pouvez, on peut se tutoyer, c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, j'ai le pouce, j'ai l'autorisation. Donc, bonsoir à vous. À qui se présenter Anne-Laure. Moi, je commence. Donc, bonjour, je m'appelle Anne-Laure. Alors, effectivement, mes études m'ont amené à avoir le titre de docteur en pharmacie, puisque je suis pharmacien depuis 25 ans maintenant. Et en parallèle de mon métier, je donne des conseils pour que les gens prennent soin de leur santé physique et mentale avant que le corps ne tire la sonnette d'alarme. Et pour ça, je leur apprends à gérer les troubles causés par le stress et le surmenage. D'accord. En utilisant surtout des ressources naturelles, c'est-à-dire le corps, le système nerveux et puis les huiles essentielles apportées par les plantes. D'accord. Alors ça, c'est une première chose. Après, on va approfondir un petit peu le sujet. Et Justine, qui est face à moi et qui est sur ma droite, donc à gauche dans le studio. Bonjour. Moi, c'est Justine. Je suis coach en images. Donc, j'accompagne les personnes à se sentir bien ou mieux dans leur corps et dans leur rapport à leur corps, à leur image, au miroir, parce que je sais qu'on va en parler, finalement d'utiliser l'extérieur, ce qu'on voit en premier, pour se sentir mieux à l'intérieur. D'accord. Alors, je dois préciser une chose quand même. Normalement, j'avais une quatrième invitée qui devait être là, qui fait du... C'est Angie, son prénom, qui fait du tirage de cartes, enfin, de la lecture des oracles. Par manque de chance, juste avant de venir, elle s'est coincée le petit doigt de pied dans la porte. Et ça, je peux vous dire que ça fait mal. Donc, elle ne peut pas être présente avec nous. Donc, c'est dommage. J'avais plein de questions sur les oracles. Mais... voilà, c'est comme ça, ça fait partie des aléas de la vie, puis on aura l'occasion de la faire revenir éventuellement sur un autre système. Donc on va commencer tout de suite, hein, avant de partir tout de suite sur de la musique. On a une petite question qui va être en fait le fil rouge, puisque c'est le bien-être en fait le thème. Mais juste avant, on va quand même demander à Karine de se présenter, c'est la moindre des choses. Bonjour, J'ai conçu Evesham. Evesham, c'est un espace mobile pour permettre aux gens d'évacuer et faire lâcher prise, mais avec le corps. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par le mental. Je ramène au corps. D'accord. Donc, c'est complémentaire entre le côté science physique, le côté visuel, le côté image et le côté corporel. Oui, effectivement, on s'est rencontrés il y a quelque temps dans un lieu bien précis. J'étais un petit peu étonné par cette cabane en roulette. Je lui ai demandé ce que c'était, et puis j'ai dit tiens, à l'occasion, on va faire découvrir ce projet, ce concept, et puis je lui ai tendu la perche avec le micro au bout, donc voilà, ça s'est fait. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, donc on va se rapprocher du micro, on se le met bien face à soi. Voilà, je vais donner juste un petit truc technique, c'est pareil, Anne-Laure, faut le remonter un petit peu, sinon vous êtes tué, voilà. Je viendrai les régler pendant la pause, sinon. Voilà. Donc, pour vous, chacune, puisqu'on a une personne en moins, on a des questions, on a un peu plus de liberté. Pour vous, le bien-être, hein, aujourd'hui, c'est quoi? Et qu'a-t-on complètement oublié sur le bien-être, docteur Anne-Laure? Alors, pour moi, il y a quelques années encore, à titre personnel, le bien-être, enfin être bien, c'était être calme, détendu. Et au fur et à mesure de mes apprentissages, aussi pour ma santé hein, personnelle, donc que je partage maintenant, j'ai compris que être zen, c'était pas forcément être bien. Et que je trouve que on peut avoir vite un diktat d'être calme, d'être détendu face à toutes les situations. Alors que pour moi, le vrai bien-être, c'est d'être flexible, d'être en mouvement et d'adapter son corps et son esprit à l'environnement et à ce qui peut nous stresser. D'accord, ça fait beaucoup de choses, hein, à ingurgiter, Karine. Alors, c'est bien quand vous reprenez le micro pour que les gens vous situent, de vous redonner votre prénom et un petit peu ce que vous faites, hein, parce que les gens s'y perdent. Moi, je le sais, mais les gens vont s'y perdre un petit peu. Donc, Karine avec Evesham, c'est ça? C'est ça, Evesham. Ben, ça va rejoindre un petit peu ce que disait Anne-Laure. C'est quelque chose de tout simple, en fait, le bien-être. Déjà, c'est s'écouter. Parce que déjà, vous avez demandé qu'est-ce qu'on a oublié. Ben, c'est ça qu'on a oublié. On a oublié de d'écouter ce dont on a besoin, de le sentir, de prendre le temps et de se laisser de la place à soi-même. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ça paraît simple. Oui, ça paraît simple. Justine. Je rejoins ce qu'ont dit Anne-Laure et Karine. Bon, on arrête tout alors, si tout le monde est d'accord. Je rajouterai la partie de mon métier. C'est aussi le bien-être. C'est aussi être soi-même pleinement, c'est-à-dire ne pas essayer de rentrer dans des moules qui sont pas les nôtres. Et c'est peut-être ça qu'on a un peu oublié avec notamment tous ces réseaux sociaux, cette société de l'image. En fait, on est vraiment dans une société où l'image, le paraître passe en premier. Et surtout le paraître. Ouais. Et du coup, on essaye de coller à une image qui parfois ne nous correspond pas et ça crée un décalage et c'est ce qui pour moi... T'as mis le doigt dessus là, tout ouais. À fait, c'est tout à fait ça, tu comprends bien le souci. C'est vraiment ce qui pour moi peut créer du mal-être pour le coup parce qu'on est, on a envie de coller à quelque chose mais même si on y arrive, on se rend compte qu'on n'est pas forcément heureux parce que si ça ne nous correspond pas... on sera pas plus heureux parce qu'on a coché telle case ou qu'on fait telle taille de vêtements ou qu'on fait tel métier même. Je crois que c'est ça qu'on a un peu oublié. Ça rejoint ce que disait Karine sur le fait de s'écouter profondément de ce qu'on a envie dans son quotidien et dans sa vie. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, on va vous laisser vous mettre tranquillement dans le canapé pour ceux qui sont à la maison, donc qui nous écoutent sur le 96.2 FM. Puis pour ceux qui sont Internet et tout ça, vous pouvez aussi rester sur le canapé ou éventuellement dans vos véhicules au feu rouge. N'oubliez pas, quand ça passe au vert, il faut démarrer. Parce qu'il y en a l'autre jour qui m'écoutait, il s'est fait klaxonner, il m'a dit. Il était dans les nuages. Eh bien, écoutez, le temps de lancer un petit peu, on va lancer un premier... Une première, ce que j'appelle des escales musicales, ce que vous l'avez bien compris, on est en vol découverte hein, avec le jingle du départ. Donc de temps en temps, on fait une petite pause et on passe un petit peu de musique. Alors j'ai choisi des musiques pour vous. J'espère qu'elles vont... C'est une musique que je connaissais pas trop, mais que j'ai appris à découvrir et qui vont tout à fait avec qui vont avec le thème. Hein. Donc voilà, on va aller dans le côté zénitude. Si ça veut bien démarrer. Le ciel coule ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Le bien-être aujourd'hui, ben, c'est quoi? Ou est-ce qu'on l'a complètement oublié? Et là, je vais demander plus précisément à Hesham, parce que bon, on l'a bien compris, on a un docteur en pharmacie qui est spécialiste dans le stress, et une personne, Justine, avec, c'est que, je suis troublé, moi, j'ai que 3 sourires en face de moi, c'est vraiment troublant. Et donc, comment dirais-je, Hesham, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer ton concept, puisqu'on a compris que Justine était sur le côté habillement, sur le côté image, sur le côté... voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus précisément ton concept ? Alors du coup, c'est un espace mobile que j'ai créé, donc du coup, pour permettre d'évacuer la charge mentale et de libérer le stress. Concrètement, comment ça se passe? À l'intérieur, il y a différentes façons de faire parce que chacun aura sa façon de se libérer et d'évacuer ce qu'il a besoin, ce qui est coincé et qu'on pense pas toujours à faire sortir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur? Eh bien, il y a un mur de frappe pour ceux pour qui vraiment faudra que ce soit dans l'intensité, ils pourront frapper dans le mur. Il y a aussi des coussins dans lesquels on peut hurler parce que crier aussi fait partir des choses qui soulagent. Mais il y a aussi de quoi se poser simplement, s'asseoir dans la poire, se lever dans le plaid, s'allonger sur les coussins. Chacun aura sa façon de faire. Et du coup, le concept est large et on choisit en fonction de ce dont on a besoin vraiment. D'accord. Donc c'est vraiment toi qui l'as pensé entièrement, oui, c'est ça, sur un besoin, sur un coup de tête, pas dans le mur, hein, un coup de tête. Avec une assiette dans les mains que j'aurais bien balancée contre le mur. Ouais. Non, c'est vrai en fait. Voilà. Un jour j'avais une assiette dans les mains, je me suis dit, oh, je la balancerais bien contre le mur là. Non mais je peux pas la balancer contre le mur. Je me suis dit, oh là là, il faudrait un lieu où tu peux extérioriser comme ça, où on d'accord, peut quand on en ressent le besoin. Tu es colérique? Eh ben, non, je suis pas colérique du tout. D'accord. Non, absolument pas. Mais des fois, les mots suffisent pas. Des fois, parler suffit plus. Et c'est le corps qui a besoin de s'exprimer. C'est et, vrai. Voilà. Et je trouvais que les espaces pour répondre à ça, alors il y en a certains, oui. mais je voulais en créer un nouveau, hein, qui me parlait à moi, qui me correspondait à moi, accessible et facile. Et voilà comment est né F-Cham, mais 10 ans plus tard, hein, ça a pris du temps. Et F-Cham. Évacuateur de charge mentale. D'accord, parce que je me suis, pourtant j'ai été voir le site, j'ai pas tout lu. Voilà, j'ai commencé à poser plein me poser plein de questions. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais vu stationné, j'ai toujours pas eu l'occasion de rentrer dedans et de voir. Mais tu m'as tellement bien. Oui, on sait où se retrouver, hein, le jeudi soir du côté de. Ah bah d'ailleurs ce soir peut-être, oui, que c'est tu ça, seras. Juste après. Voilà, on est du côté du. La zone des Vallées à Saran. Voilà, la zone des Vallées à Saran, juste à côté du four à briques. Pour passer après une journée difficile. Ils ont investi, ils ont un cabanon maintenant, qui sera bientôt opérationnel. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, on va faire un petit peu un croisement à travers toutes les données que vous pouvez nous faire avoir. Karine, F-Cham, crier, se défouler. Oui. Peux-tu m'en dire encore plus, parce que t'as pas été trop bavarde. Ça fait partie des choses que l'on peut faire à l'intérieur d'F-Cham, oui, pour ceux qui ont besoin d'intensité. Puis en fait, ce sont des expressions qui sont assez naturelles en soi, parce que le corps, si on l'écoute, il sait exactement ce qu'il a à faire pour redescendre la pression. Et on le disait aussi tout à l'heure, on est énormément dans le mental, on intériorise tout, on réfléchit à tout, il faut analyser, il faut anticiper, il faut tout ça. Je ramène au corps dans un cadre sécurisé et où c'est possible. D'accord. Alors, sur un plan technique que j'avais pas pensé, mais que je viens de penser à l'instant même, quand une personne vient, pour toi, c'est un client. C'est pas un patient, c'est un client. Ah oui. Alors, je suis pas thérapeute. D'accord. Non, je propose un espace pour permettre de lâcher prise. Ça, c'est plus personnel, mais tu as une connaissance dans le côté médical, dans le côté... Alors oui, j'ai deux diplômes. J'ai le diplôme d'auxiliaire de puériculture et le diplôme d'aide-soignante. J'ai travaillé en clinique psychiatrique et à l'hôpital pendant 12 ans. À l'hôpital d'Orléans. D'accord, sur l'hôpital d'Orléans. Ouais, donc j'ai fait 15 ans dans le milieu médical en tout, oui. Okay. Bah ça oui, a parce dû que, contribuer à la création de F-Cham aussi. C'est vrai que dans un système comme ça, une personne qui arrive, qui est vraiment chargée d'adrénaline, de stress, elle peut craquer aussi. Il peut y avoir un gros déstress. Oui. Et la personne peut éventuellement aller jusqu'au malaise vagal ou autre. Et... ça serait partir loin. C'est bien comme ça qu'on dit, docteur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein. Moi, j'ai fait un petit peu, j'ai pas fait médecine, mais j'ai fait un petit peu de secours. Donc, on connaît un petit peu le système. Et quand on fait un gros dégagement, quand il y a une grosse dépressurisation, ce que le corps humain peut faire aussi. Si je fais des bêtises, dites-le moi. Hein. On va revenir directement sur l'émission, d'ailleurs. Scientifiquement, Anne-Laure, crier, ça libère vraiment quelque chose ou c'est un mythe? Justement, je rejoins Karine dans le corps, le retour au corps, puisque le fait de crier, on va libérer des endorphines qui sont nos médiateurs permettant au corps et à l'esprit d'être mieux. En fait, les endorphines vont améliorer notre humeur. En plus de la libération de ces endorphines, crier va permettre de baisser notre cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc ça, c'était pour le côté biologie et libération des médiateurs et des signaux dans le corps. Et j'ai envie de dire aussi que crier, ça met en mouvement nos tissus, puisqu'on va mettre en mouvement nos cordes vocales dans notre gorge. Et donc, on va agir potentiellement sur les tissus qui passent par la gorge et donc qui vont de notre tête aux pieds. Même si nous, on s'en rend pas compte, ça se fait au niveau cellulaire et ça va permettre de libérer des tensions et en tout cas éviter que d'éventuelles tensions ne s'installent. Et en troisième point, j'ai envie de dire, et là encore, ça rejoint le retour au corps, que... le fait de crier, on engage nos cordes vocales et nos cordes vocales sont innervées, donc c'est-à-dire sont alimentées par notre système nerveux et notamment un grand nerf physiologique qui s'appelle le nerf vague et c'est là qu'on rejoint le malaise vagal. Et ce nerf vague, c'est notre frein, le frein que notre corps, notre système nerveux active pour revenir au repos. Un peu comme si le fait de crier activait le frein après avoir appuyé sur la pédale d'accélérateur par un moment stressant ou par du stress qui devient chronique. D'accord. Pas plus. C'est un peu, on peut élaborer un petit peu plus la réponse ou on en reste là. Après, on va vraiment rentrer dans le scientifique. Alors, ben là, c'est là que je vais commencer mon cours sur la régulation du système nerveux, si voilà. Tu le souhaites. Bien, bon, on va passer à Justine parce que je sens que je reçois plein de mails là. On me dit stop, je comprends plus rien. Non, c'est pas vrai, je blague. C'était simplement pour passer le micro à Justine pour faire une parenthèse entre parenthèses. Est-ce que l'image, Justine, peut empêcher d'oser lâcher prise, lâcher comme ça ? Bah oui, clairement parce que déjà tout le monde n'a pas accès à ses émotions, tout le monde ne sait pas gérer ses émotions et quand elles sortent un peu de façon alors pas forcément inapproprié, mais de façon impromptue, on peut dire. On peut avoir honte de se montrer comme ça, une impression de perdre le contrôle. Et si on crie, si on pleure, on peut avoir peur de ce que vont penser les autres. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt dans une société où on essaye de montrer une belle image de soi tout le temps. La fameuse expression que je ne supporte plus, la meilleure version de soi-même. C'est assez insupportable, ce terme. Ça met une pression tout de suite. Exactement. Et du coup, on peut avoir l'impression que, en ayant besoin de lâcher, on n'est plus cette meilleure version de soi-même, entre guillemets. Alors qu'au contraire, je pense que c'est un vrai outil de connaître ses émotions. Et avoir un espace comme Fcham, c'est un vrai plus pour ça aussi, parce que ça permet aussi de se réguler et c'est mieux que ça sorte dans la... Alors, moi, je l'appelle la roulotte, mais c'est pas le bon terme. C'est mignon, la roulotte. Il n'y a pas de chevaux devant et il n'y a pas de guitare non plus. Dans le super lieu qu'a créé Karine, plutôt que, dans une réunion au travail, par exemple, ou en famille, peut-être, le soir. Donc, finalement, c'est s'autoriser à être vulnérable aussi, et ça c'est pas toujours facile quand on est dans un contrôle de l'image assez important. D'accord, tout à l'heure quand tu parlais de l'image, moi la première image qui m'est venue quand tu parlais justement de cette image et de la fameuse phrase que tu ne veux plus entendre, meilleure version de soi-même, pour ne pas te la remémorer, j'aime bien remuer le couteau dans la plaie de temps en temps. Moi, je vois un petit peu tous les réseaux, tout ce qui est, c'est un petit peu pour moi comme un iceberg. On a la face que l'on voit, c'est-à-dire celle qu'on met sur les réseaux sociaux, celle qu'on veut avoir en apparence dans la rue, dans la ville, à travers un maquillage, à travers un regard, un vrai regard ou un faux regard. Et on a aussi l'image qu'on a de soi-même et qui est enfouie en nous, là où va agir entre autres le travail d'Anne-Laure, donc au niveau du stress, et en même temps le défouloir avec Karine, où on va venir pouvoir taper un sac. Enfin, nous les hommes, on va taper dans un sac. Des fois, on peut se faire mal au poignet, mais on peut sortir un petit peu tout ça, un petit peu différemment. Tu as un sac de frappe dans ton... Il y a un mur de frappe. Carrément, il y a tout un côté, c'est un mur de frappe, oui. Et la personne, elle reste toute seule à l'intérieur. On est seul à l'intérieur. Ouais. C'est un moment qu'on choisit de vivre avec soi-même. D'accord. Tu commandes pas avec un micro ou long. Il y a pas. Tu peux intervenir quand même. Alors non, je peux pas intervenir, mais j'ai créé des sessions guidées. Je viendrai te voir tout à l'heure. De toute façon, il faut que je passe là-bas et je viendrai te voir un petit peu parce que je le dis ouvertement, je n'ai jamais mis le nez dans son. Non, pas dans sa roulotte. Je n'ai jamais mis le nez mobile. Dans un espace maudit. Alors, j'avais des questions pour Angie, mais bon, elle n'est pas là, donc on va faire ça. Angie, je te souhaite quand même un prompt rétablissement. Et puis ouais, il faut éviter quand même les doigts de pied dans les ongles, ça fait mal. J'ai mal pour toi. Je vais revenir sur Justine parce que je vais cuisiner un petit peu après Anne-Laure. Si tu me le permets, docteur. Tout à fait. Se voir dans le miroir, le reflet de sa personne à travers le regard des autres, est-ce capital ? Alors, c'est capital d'avoir un rapport avec soi-même, déjà. Parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, donc ça fait 5 ans que j'exerce cette activité, donc j'ai vu... beaucoup de personnes. J'ai remarqué déjà qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de miroir chez elles, ou juste le petit miroir de la salle de bain. C'est voulu ? Ouais, parce que le miroir fait peur, parce que quand on a l'impression qu'on n'a pas la bonne apparence, le bon corps, on se dit, bah, moi je le vois, mieux c'est. Alors que finalement, bah, c'est pire que tout. Parce que, comme pour toute chose, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est valable pour tout dans la vie. Et c'est valable aussi pour son corps. Et quand on ne connaît pas son corps, quand on s'en est fait une image, bah, on a l'impression que, qu'il est difforme, qu'il est comme ci, comme ça. Ah bah, il n'est jamais bien, gros, de toute façon. On le voit avec toutes les divas de la télé qui sont boursouflées de partout et qui se font faire des injections à je ne sais plus trop quoi pour arriver à avoir des super pommettes. Alors, je suis sûr que tu n'as pas d'injection et tu as des très belles pommettes. Un c'est peu rouge quand même. Un peu rouge, mais ça, c'est la chaleur. Il fait chaud dans le studio. Voilà. Donc, oui, parce que moi, j'ai un complément de questions. Je travaille un petit peu, enfin, je suis un petit peu dans le relationnel, hormis radio, je suis aussi dans le relationnel côté musique, côté scène. Et je sais que le look de l'artiste, va transformer l'artiste parce qu'il va rentrer dans son monde et la vision aussi du public. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. En fait, on dit toujours que notre meilleure carte de visite, c'est nous-mêmes. Donc, c'est valable pour un artiste, c'est valable pour nous trois qui sommes des entrepreneurs. Quand on arrive quelque part, on sait très bien que les gens vont se faire une idée juste en voyant comment on est habillé, comment on est. Et pour un artiste, bah, ça fait partie de sa direction artistique, de son univers. Mais finalement, on peut le transposer pour tout un chacun dans sa vie, de ce qu'on a envie de donner à voir au monde, entre guillemets. Et donc ça, c'est pour le regard des autres, mais par rapport à soi, ça nous met aussi quelque part dans un costume. On ne s'habille pas pareil quand on est à la maison, quand on va à une cérémonie, quand on va au travail, Quand on vient en radio. Et du coup, forcément, on a... c'est un outil, en fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le look, au même titre que la façon de parler, au même titre que le bagage scolaire ou culturel, ou le look, c'est un autre outil qu'on doit utiliser ou qu'on peut utiliser pour donner ce qu'on a envie de donner au monde. Et oui, alors ça, peut-être qu'Anne-Laure pourra en parler. Mais peut-être justement, mieux que moi. On va lui passer le micro juste après. En fait, on juge les gens sur l'apparence parce qu'on est des animaux à la base et qu'on a notre cerveau reptilien qui a besoin de savoir est-ce qu'on est en danger, est-ce que c'est OK. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin aussi de savoir où on va et qu'on se fait une idée très vite parce que le corps a besoin de savoir est-ce que c'est OK ou est-ce que je m'enfuis en courant. Et donc, il faut utiliser, on va dire, cet outil-là pour à bon escient pour soi-même, en fait. D'accord. Anne-Laure. Tout à fait. Voilà. Merci, Justine, clair, pour Anne. Claire, net et précis, tout à fait. Voilà. N'envoyez plus de SMS, s'il vous plaît. Oui. Oui, Justine a très bien parlé de la confiance en soi, en fait, qui a... Alors moi, je ramène à ma grille de lecture, qui est le système nerveux, où la confiance en soi, l'estime de soi... est un état de sécurité du système nerveux, enfin plutôt un état dans lequel le système nerveux se sent en sécurité et donc suffisamment à l'aise avec son environnement. Alors environnement interne, le corps, le mental, et son environnement externe, évidemment, avec ses relations extérieures et les situations auxquelles il est soumis. Et donc, ces états du système nerveux vont nous rapprocher du cerveau reptilien dont tu parlais, c'est-à-dire que le corps et le cerveau travaillent ensemble de manière à ce que l'être humain reste en survie. Et physiologiquement, on va être programmé de manière génétique, mais aussi dans l'enfance, à travers l'éducation, les traumatismes de l'enfance, les micro-traumatismes, hein, parce que c'est pas forcément des accidents. Et tout à chacun, on va rentrer dans un état normal, entre guillemets, de notre système nerveux, qui est un état de survie, qui va permettre à notre corps de rester en vie, entre guillemets aussi. D'accord. Et c'est là qu'on rentre dans le manque d'estime de soi, dans le manque de confiance en soi, où certaines personnes restent dans cet état de repos extrême, parce que le corps et le mental les a amenés dans cet état pour préserver son énergie. Et pour combattre ça, alors, comment faire ? Parce que là, on rentre presque dans un milieu dépressif, alors. À terme, oui, à terme. C'est le burn-out. Alors, en fonction de l'état normal, il y a le burn-out qui peut être créé par un état de stress chronique accru, un stress qui ne revient pas à son état physiologique qui permet de se mettre en action. Donc ça, c'est un état du système nerveux. Un autre état du système nerveux, c'est l'état d'un repos extrême dans lequel l'organisme s'est mis pour préserver l'énergie. D'accord. Et c'est là qu'on rentre dans des phénomènes d'anxiété avec des replis sur soi et voire de l'anxiété sociale. D'accord. Donc la personne par elle-même, elle peut en être consciente comme elle peut ne pas en être consciente et refuser cet état, enfin dire non mais moi tout va bien. Oui, tout à fait. Ah, parce que pour elle et pour son corps, c'est un état normal. D'accord. C'est son état physiologique de survie. Voilà. Alors, vous inquiétez pas si jamais vous entendez quelques crises de toux. On a Justine qui s'étouffe un petit peu. Elle est sortie du studio. Mais elle a besoin de récupérer un petit peu d'air pur et de régénérer un petit peu tout ça. Donc, je lui repasserai le micro tout à l'heure dès qu'elle ira mieux. Là, elle avait besoin d'évacuer elle aussi. On en était sur le côté, une question qui était posée à Angie, mais que je peux tout à fait poser à Karine. L'image de soi. Est-ce que ça influence l'intuition ? C'est-à-dire que, comment dirais-je, tu vas aller dans une entreprise, tu vas aller faire une session dans une entreprise, et la personne, de fait, de passer dans ton sas, et non pas dans ta roulotte, est-ce qu'elle va avoir un peu plus d'intuition? Comment va se transformer son intuition? Est-ce qu'elle va avoir la peur? Est-ce que ça va la travailler ou pas? Question piège. Oui, question piège, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'ont dit les gens? Est-ce qu'ils vont être un peu plus intuitifs parce qu'ils ont relâché au niveau du stress? Parce que le stress, il prend le dessus. Donc on n'est plus sur le côté intuitif, le côté productif, le côté. C'est à ça que sert l'espace justement, à débrancher le cerveau et. Débrancher le cerveau carrément, c'est-à-dire que quand on rentre, on ouvre la tête, voilà, on enlève, on ferme la porte. Et c'est pour ça que j'ai créé les sessions. Trépanation et. C'est pour ça que j'ai créé les sessions guidées. C'est pour ça que t'as un docteur à côté de toi. Je suis maline. Évacuateur de charge mentale, le fameux mot charge mentale. Moi, du coup, mon but à moi, c'est de leur diminuer la charge mentale. Donc, vous avez juste à rentrer, fermer la porte et vous laisser guider. On perd que de la charge mentale. On part pas de poids. Parce que sinon, je vais venir te voir plus souvent. Non, alors, bien sûr que je plaisante, mais quoi que. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu, ça va être propre à chacun. Vous avez ceux qui, parce que réussir à lâcher prise, ça fait partie des mots, je crois qu'on entend énormément tout le temps. C'est un travail qui est long, et offrir un espace comme ça qui permet de le faire, ben vous avez ceux qui vont du coup se dire bon ben très bien, et qui vont réussir à déconnecter et à lâcher prise et à vivre pleinement le truc. Et puis il y a ceux qui, à la fin de la première expérience, se disent bon bah j'ai réussi un petit peu, bah je vais revenir et la prochaine fois vraiment je vais me laisser. Mais c'est déjà bien d'avoir fait le choix de venir d'essayer une première fois. Et je crois que les gens se surprennent eux-mêmes en fait. M'ont demandé les retours que j'ai éventuellement. Mais souvent c'est ça. Je savais pas que j'avais tout. Si j'avais su. On parlait tout à l'heure d'état normal. Si j'avais su. C'est pas normal de se sentir comme ça en fait. Il faut le. D'accord. C'est, comment dire, normal. Il faut le vivre pour le. Oui, déjà, il faut le vivre. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et puis, tout bêtement, on peut très bien choisir la session la plus douce, qui est nébuleuse et la plus tranquille, où on essaie de la respiration, parce qu'on pense que c'est ça qui nous correspond le plus, pour se rendre compte, en fait, que non, pas du tout. En fait, j'aurais besoin que ça passe par autrement.

psychologiquement, on va on dire. On travaille aussi beaucoup sur la confiance, c'est pour ça que je vais dire au looking. D'accord. Karine, qui est l'inventrice du système FCHAM, qui est un système j'ai failli prendre le terme de tout à l'heure. Vas-y, redonne-toi, parce qu'il y a des auditeurs qui prennent en route, donc. FCHAM, c'est un espace mobile pour lâcher prise avec le corps. Voilà, donc c'est une cabine, une cabine fermée qui permet de refaire prise avec son corps, relâcher un petit peu. Et on a avec tout, parce que justement, ça va être pour elle, Anne-Laure, qui est docteur en pharmacie, spécialiste du stress. Et elle avait quelque chose à rajouter sur le côté intuition. Karine, répondait à l'intuition. Et docteur m'a dit en off, ouais, mais ceci m'a parti. Donc, moi, je veux parler. Alors, Anne-Laure, c'est à toi. Oui, alors je voulais donner ma grille de lecture encore avec le système nerveux, parce que pour moi, l'image de soi, donc la confiance en soi, et l'intuition, c'est médié par le même état du système nerveux, de sécurité, dans lequel le corps et le mental se sentent en sécurité, en lien avec les autres, et donc en lien avec soi-même, et donc permet de mieux relationner avec soi-même et avec l'environnement. Donc cet état de sécurité va quelque part, entre guillemets, ouvrir les chakras, ce que l'on appelle aussi en bien-être, de mon point de vue, en élargissant le regard interne et externe sur les choses, en prenant de la hauteur, et donc c'est aussi ce que l'on peut appeler l'intuition. D'accord. Alors pour les chakras, on peut en parler un petit peu, mais c'est pas trop le sujet du jour. Ça sera peut-être à voir avec quelqu'un qui fait du yoga, par exemple, ou de la méditation, mais on peut en parler un petit peu, le côté chakra, parce que voilà, les gens, on connaît le mot. Oui, en fait, j'ai utilisé cette expression parce que c'est une expression très utilisée en tout cas dans mon monde, dans le langage commun et dans le bien-être, d'ouvrir ses chakras dans le sens libère l'énergie, libère-toi, ouvre ton esprit. D'accord. Aux choses. Et c'est en cela que je voulais utiliser cette expression pour parler peut-être un peu plus de personnes. D'accord. Bien. Eh ben, il est toujours. L'heure, elle bouge tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais ça bouge tout le temps. Cette pendule en face de moi, ça me stresse, docteur, si vous saviez. Est-ce que les clients et les clientes, ça c'est une question à Karine, viennent aussi pour lâcher une pression par rapport à leur image? Image personnelle. Il y a deux questions. Image personnel et l'image relationnelle par rapport à son travail, parce qu'il y a son image comme là tous les jours, puis il y a l'image par rapport aux collègues de travail qui n'est pas la même pour moi, à mon sens, que l'image qu'on peut avoir dans la rue. Mm-hmm. Alors, bien évidemment, cette question, je vais répondre non. Non, je rigole. Ça va, elles sont décontractées, les filles, ça va. Bah oui, on le dit depuis tout à l'heure avec le témoignage de Justine. On est tous derrière un masque, en fait, à longueur de temps. Hein. Il faut paraître fort, il faut aller bien, il faut montrer le meilleur de soi-même, en effet. Les codes sociaux sont géniaux. Et le problème, c'est que tout ça, ça demande énormément d'énergie, en fait. Ça pompe énormément l'énergie, de passer son temps à faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle renvoie, à ce qu'elle peut dire, à ce qu'elle peut pas dire, à tout ça. Et ça prend énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'FCHAM, pour moi, c'est un endroit qui permet vraiment de ramener à soi, d'être avec soi-même et d'oser exprimer ce qu'on ressent vraiment. Donc oui, on vient libérer une pression, que ce soit la pression personnelle, parce qu'on est des très durs avec nous-mêmes aussi, des fois, hein. On est très très fort pour ça, hein, pour s'auto-mettre de la pression et être au mieux tout le temps. Et le travail, ben oui, bien évidemment. On le disait tout à l'heure, tu vas être jugé sur ce que tu renvoies, sur comment t'es habillé, sur comment tu travailles, sur comment ci, sur comment ça. Donc, contrôle permanent. Donc oui, revenir à soi et s'autoriser de laisser exprimer les choses telles qu'on les ressent. Oui, bien sûr, forcément, c'est ça que les gens viennent chercher. D'accord. Parce que moi, j'ai remarqué, là, je parle pour ma propre personne. En personne, c'est vrai que quand on... Pour revenir sur l'image, Justine, c'est vrai que on dit que l'habit ne fait pas de moine, mais bien souvent, il aide à prêcher quand même. si on sort dans une boîte de nuit et qu'on n'a pas l'habitude de mettre un costard-cravate, on va pas être à l'aise. Parce que si on veut être dans la séduction ou dans le côté clean, par contre, si on aime bien le jean basket, voilà. Et c'est vrai que moi, je sais que personnellement, ça joue beaucoup sur ma... Bon, je suis à l'aise partout. Enfin, il y a deux endroits où je me gêne pas, chez moi et chez les autres. Ceci étant dit, non, c'est vrai que le côté habit joue énormément sur la personne. Alors après, ça va être sur le côté forme vestimentaire de ce qu'on va avoir, décontracté, sportif, comme moi par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire aujourd'hui. Ça arrive, c'est des moments comme ça. Mais c'est vrai que le côté habit travaille beaucoup sur la personne et des fois je dirais se retrouver un petit peu face au miroir, se retrouver entre parenthèses à nu face au miroir, ça trouble aussi beaucoup. Surtout voilà quand on se retrouve dans la tenue par exemple d'Adam et Ève, de se retrouver, de se regarder, de savoir se regarder, de savoir pas s'admirer sur le côté I am the best in the world, mais le côté voilà, je suis comme ça, qu'est-ce qu'il faut que mon sourire, mon regard. Moi je vais te donner un exemple. Alors là, c'est il y a le côté vestimentaire, je fais de la scène un petit peu, et moi j'aime bien quand je suis sur scène être dans mon élément, donc je vais m'habiller comme j'aime être habillé quand je suis sur scène. Dans la vie, je suis pas toujours comme ça. Mais en même temps, ça me donne un petit peu plus de prestance, un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus de... Et ça donne aussi, comme tu disais tout à l'heure, une image de moi aux gens en face. Et cette image, il est vrai que je la travaille. Alors là, c'est sur un côté personnalité. Mais cette image que je vais redonner à mon public, aux gens qui viennent me voir, je la travaille énormément dans toutes les tenues possibles. Sur une glace, sur un miroir. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais au miroir. Et je pense que les gens, monsieur, madame, tout le monde, les auditeurs, les auditrices, devraient de temps en temps faire le travail d'avoir une petite garde-robe à côté, de se changer, de se filmer. Comme ça, on se regarde dans la glace, mais en même temps, on se filme. Comme ça, on se re-regarde après et on voit nos défauts et on voit ce qu'on peut corriger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, ou bien sûr, parce que... T'as le droit de pas être d'accord. Si, je suis d'accord, parce que c'est ce que je fais avec mes clients. Le fait d'affronter le miroir, entre guillemets, et de se voir dans des tenues différentes. Parce que souvent, aussi. Tout à fait. Moi, la colorimétrie, c'est une des techniques que j'utilise pour savoir justement les couleurs qui vont à la personne, parce que parfois. Ça, c'est quand même assez. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, la colorimétrie, c'est une technique qui est utilisée pour. C'est vraiment les couleurs qui vont faire rayonner le visage. Donc, l'idée, c'est de trouver une harmonie. Qui part du teint des yeux, des cheveux. On a tous des sous-tons de peau différents, plus dorés, plus rosés, plus olives. On peut avoir des sous-tons de peau différents. Et en fonction de la carnation, de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, on va avoir des typologies de couleurs qui vont nous aller mieux que d'autres. Et ça, tant qu'on n'a pas fait un test de colorimétrie, c'est difficile de vraiment savoir... parfois, on le voit bien quand on met des vêtements. Ah non, ça, j'ai l'impression que ça me va pas. Mais voilà, un vrai test de colorimétrie, c'est beaucoup plus poussé que ça. Et déjà, rien que ça, ça peut permettre de se dire, voilà, un jour où j'ai un peu moins confiance en moi parce que je suis fatiguée, je suis malade, ou alors j'ai un rendez-vous important, j'ai un entretien d'embauche, j'ai un rendez-vous, un date amoureux et je suis stressée. Je sais qu'en mettant cette couleur-là, déjà, je suis... au top de ce que je peux voilà, être. Voilà, on est dans son élément. Exactement. On va toujours se mettre vestimentairement, au niveau couleur aussi, dans un élément qui nous met en valeur, en avant. Ou alors, si jamais on veut se faire influencer, à l'inverse, on va se mettre dans une chose pour se dévaloriser un petit peu, pour mieux contrer la personne quand on est prêt psychologiquement à aller. Bah en fait c'est vraiment un outil, et en fait moi ce que je dis à mes clientes, et c'est pour ça que j'aime pas le terme de relooking, je l'explique, parce que le relooking c'est prendre les caractéristiques physiques de la personne et lui mettre, on met à tout le monde une robe à paillettes et des talons ou un costard, et forcément et ça fonctionne. Je suis pas d'accord. Oh, si, vous seriez parfait. Je suis sûre. Ah, paillettes, hein. j'en ai mis. Mais l'idée du conseil en image, c'est vraiment d'adapter à la personne, à la personnalité, à l'âge, enfin voilà, à tout un tas de choses. Et de se dire, l'important, c'est de connaître les codes et après d'en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour dire, il faut que tu mettes oui, que tu telle couleur. Tu exactement. Mais tu conseilles, mais exactement. T'es pas là pour. C'est pas la fashion police qui vient non. dire ça, c'est pas bien, ça va pas. Bah, l'idée, c'est d'avoir de la liberté et de. Encore une fois, c'est connaître les codes et pouvoir les casser quand on a envie, en fait. Pour faire ce que tu fais, est-ce que tu as fait... Alors, c'est hors question, là, parce que je le dis toujours à chaque fois, on prépare nos questions, voilà, je veux pas prendre un revers, mais sauf quand je joue au tennis, comme je joue pas, il y a pas de problème, mes invités. Mais des fois, il y a des questions comme ça qui fusent, qui viennent, et dans le côté, du coup, j'ai perdu ma question. Donc, est-ce que j'ai fait une formation, c'était ça la question? Oui. Oui, j'ai fait une formation de conseil en image dans une agence. Il y a une agence ou c'est une école? C'est un. Il y a plusieurs agences. C'est pas un métier qui est régulé par un diplôme d'État, par exemple. Moi, j'ai fait ma formation dans une agence sur Paris. Qui est de renommée, qui a quand même pignon sur rue. Tout à fait. Et qui est, voilà, c'est des cours qui durent combien de temps? Il y a plein de formules différentes. Il y a des formules très accélérées. Il y a des formules qui peuvent durer sur un an. Ça dépend vraiment. Et après, j'ai envie de dire, il y a autant de conseillers en image qu'il y a de personnes, parce qu'on vient tous aussi avec notre bagage. Bien sûr. Moi, je viens du médico-social à la base. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'ai forcément cette couleur-là. C'est-à-dire. Aussi. Moi, j'étais directrice de structure, j'ai été directrice de centre social pendant longtemps. D'accord. Et j'ai travaillé aussi dans le handicap, j'ai travaillé en EHPAD, enfin voilà. Donc je viens aussi avec ce bagage de vouloir accompagner les gens à du mieux-être. Alors que quelqu'un qui viendrait, par exemple, purement de l'esthétique, va travailler plus sur, par exemple, les tendances mode, les choses comme ça. Moi, c'est pas des choses qui m'intéressent vraiment. Moi, je suis vraiment plus sur le côté humain et d'aider la personne à se sentir bien. Et pour en revenir à notre thème du jour, à être dans un bien-être global. Voilà, sinon après elle va se faire déstresser par notre docteur, et puis si jamais ça fait pas, elle va taper dans le sac dans la. C'est ça. Fcham, c'est pas facile. C'est pas facile à mémoriser. J'ai vu tout à l'heure, juste avant l'émission, ça y a que moi qui pouvais le voir et les gens qui étaient là. J'ai vu trois personnes arriver. Trois personnes qui étaient carrément différentes dans le côté. Alors une qui était easy parce que elle a déjà goûté au micro et c'est ce que c'est qu'une radio et voilà, était décontractée. Et puis deux autres qui étaient un petit peu plus stress. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Karine, elle prenait le micro pour le casque, elle prenait le casque pour le micro. Oh, non, peut-être pas quand même. Mais j'ai vu, alors notamment la personne qui m'a paru le plus stressée, le plus tendue, et ben c'est Anne-Laure. Bah oui, mais t'as commencé par m'appeler docteur. Je suis enfin quelqu'un d'éduqué un petit peu, et moi les grades et tout ça, j'ai toujours été respectueux. Et on a un doctorat, bah ça se respecte dans le titre. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Bonjour docteur, est-ce qu'on se voit? Pas de problème. Ou est-ce qu'on se tutoie? Elle m'a dit, je préfère le tuer, on va se mettre à l'aise. Alors justement, on a expliqué. Mais c'est vrai que j'ai senti quand même là, il y avait vraiment un côté stress. Et est-ce que c'est le manque d'estime de soi qui joue vraiment sur ce stress biologique? Vous voyez, tu vois où je veux en venir? Comment j'ai rebondi, dis donc. C'était pour arriver à ma question, en fait. J'ai envie, pour transitionner, de donner une image que l'on a peut-être tous vécue en termes de posture, et qui peut illustrer le manque d'estime de soi. Parce que quand on a une faible estime de soi, moi je vois quelqu'un qui a les épaules et Justine va peut-être, j'espère, qui sait, quelqu'un qui a les épaules voûtées, le dos courbé, qui marche en ça, regardant ses pieds. Tu vois tout de suite ça. Voilà. C'est des signes. Voilà. Que tu sais reconnaître comme quelqu'un qui va reconnaître au niveau du verbal la prestance. Tu vas voir quelqu'un qui est bien, qui est et puis quelqu'un qui, ça tu l'analyses tout de suite et tu sais dans quel niveau de stress il est. Voilà, tout à fait, et ça reflète l'estime qu'a la personne pour elle-même et donc sa confiance en elle. Et voilà, en parlant d'image, ça donne effectivement tout de suite l'image à l'interlocuteur. Et en fait, cette posture de repli sur soi, de peur, en fait, va donner des signaux d'insécurité au corps et donc au mental, et donc va influencer directement le stress biologique. Les signaux du stress dans le corps, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Et donc cette posture-là de repli sur soi-même va maintenir des niveaux élevés de cortisol. Ça, c'est démontré dans les études. Donc va entretenir du stress physiologique, je dirais, avant que ça se voie à l'extérieur. Et puis, par cette posture, le corps va diminuer ses sécrétions de sérotonine et de dopamine, qui sont deux autres hormones, deux autres médiateurs de l'humeur, de confiance en soi et de plaisir aussi. D'accord. Donc en fait, tout ça pour dire que oui, le manque d'estime de soi va affaiblir notre résistance au stress biologique. Cet affaiblissement va affaiblir l'énergie mentale et donc augmenter le manque d'estime et de confiance en soi. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. D'accord. D'où passer d'abord par Justine, qui va nous mettre en confiance côté vestimentaire. Tout à fait. Hein ? Alors, je pense que juste avant, moi, j'irai frapper un petit peu pour relâcher. Je prends une douche. Je vais voir Justine pour qu'elle me dise... mais ce tel look, tac, tel look, voilà, casse ton image, et puis va parler au docteur, après tu verras, tu seras pas avec les... Non, mais les épaules courbées. Mais il n'y a pas que les épaules pour reconnaître, il y a tous les signes que l'on peut voir, ces gestes qui nous trahissent, sur le côté stress, sur le côté mal-être, sur le côté, comment dirais-je... De se faire voir, l'image qu'on veut donner à quelqu'un. Je sais qu'une femme, quand, sans s'en rendre compte, quand elle est sous la séduction, elle va parler. Mais ça fait partie du stress aussi. Hein, oui. Ça fait de déstresser, de se faire un petit balayage de mèches. Tout ça a un rapport avec le stress, vraiment. Mais ouais, c'est pour ce voilà, quand on voit une femme qui va se mettre les deux bras en croix comme ça au niveau des épaules, tout ça, ce sont des gestes. Moi, je l'étudie un petit peu pour savoir à qui j'ai affaire. Et ce sont des gestes qui nous trahissent, en fait, et qui redonnent justement ce stress. Alors, c'est un stress. Il y a deux stress, en fait. Il y a le stress biologique. Et puis, il y a le stress nerveux, enfin, qui n'est pas du biologique, qui va pas être fait par tout ce qui est hormones et tout ça. Oui, mais les deux sont indissociables, en fait. Bien sûr. Stress biologique par les médiateurs, les hormones, va influencer le mental et donc la réponse aussi du corps et du cerveau aux situations que rencontre la personne. Et donc ce mental va aggraver encore plus les sécrétions hormonales et de médiateurs tels que la sérotonine et la dopamine pour influer sur l'humeur de la personne. D'accord. C'est pour ça que je parle de cercle vicieux, parce que les deux sont indissociables, en fait. D'accord. Eh bien, vous savez pas ce qu'on va faire pour déstresser un petit peu? Eh bien, on va partir faire une petite escale musicale. Il est 15h05, on a à peu près une heure à peu près encore ensemble. On a poussé pas mal de questions. C'est vrai qu'on a une demi-heure de battement, puisque notre quatrième personne n'est pas présente. Et on va meubler un petit peu, on va aller et puis on va ouvrir un petit peu ses chakras pour arriver à parler un petit peu plus précisément. Puis si vous avez des choses auxquelles je n'ai pas pensé et que vous voulez dire, il y a une question que je vais juste poser à Anne-Laure qui m'est venue tout à l'heure. Tu travailles dans une officine ou non, dans un office où tu travailles en établissement de santé. En établissement de santé, pour ne pas le citer, c'est l'hôpital d'Orléans. D'accord. Voilà, donc l'hôpital d'Orléans qui est à la source en fait. Oui, où, tout à fait. Ouais, parce qu'il n'y a plus rien au niveau de, du CHR, enfin de, d'Orléans même. De Porte-Madeleine. Donc c'est une unité spéciale, c'est une unité... C'est une unité très étrange, qui s'appelle la pharmacie. D'accord. Oui, c'est vrai que là, ouais, il y a beaucoup d'éléments dans ce. Il faut pas se tromper non plus, hein, parce que si on prend un petit peu trop de vitamine C et qu'on a besoin de dormir, ça va pas le faire, n'est-ce pas, docteur? Bien, et bon, on va passer un petit peu en côté musique. Ben voilà, l'escale musicale est terminée. On est revenu au studio d'Arc-en-Ciel. Il est 15h11. Je suis toujours en compagnie d'Anne-Laure, docteur en pharmacie, de Karine avec Evesham, qui est un élément de défouloir, et Justine, donc, qui est... Ben, tu es quoi, Justine? Conseillère en image. J'ai failli lui dire coach sportif, mais non, c'est un conseillère en image, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai présenté donc tout à l'heure Anne-Laure qui disait qu'elle travaillait donc dans un service hospitalier, donc à Orléans. Quant à toi, Karine, avec ton défouloir à roulette, on peut te trouver où? Alors, pour l'instant, j'ai deux lieux fixes à Orléans. Donc, on a la zone des Vallées à Saran, dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Où tu seras tout à l'heure, d'ailleurs. Exactement. Si certains auditeurs, auditrices veulent venir te découvrir, ils peuvent venir, donc, à la zone d'activité de la Vallée, juste à côté de la brasserie du four à briques, qui sont des amis, je crois que c'est par connaissance un petit peu, qui t'ont laissé le lieu. Et tu y es de quelle heure à quelle heure, là-haut? Alors, en théorie, de 16 à 19 heures. Donc là, j'ai été que je peux. Aujourd'hui, ce sera un petit peu plus tard. Voilà, moins que je te libère plus tôt, mais après... pas grave. Jusqu'à 19 heures pour être sur la sortie de travail, justement, après une journée compliquée, éventuellement. D'accord. Ben, je viens de revoir après. Je me défoulais. J'avais trois invités, mais alors... Et je suis aussi le vendredi au Jardin du Bonheur à Saint-Jean-de-Bray. D'accord. Et tu démarches un petit peu, tu arrives à trouver, oui, ça. Doucement, voilà, j'avance. Tu fais un petit peu d'entreprise. Oui, petit les peu entreprises, privé. Bien sûr, je vise aussi les entreprises parce que aujourd'hui, la qualité de vie au travail, elle est indispensable. Prendre soin de ses employés pour que le travail soit plus détendu, plus efficace, plus productif, c'est important. D'accord, tout à fait. Oui, les entreprises entrent aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et pour toi, Justine, on peut te trouver où? Alors moi, j'interviens à domicile, donc directement chez les clients. Client ou cliente? Alors principalement cliente, mais j'accompagne aussi des hommes. Mais j'ai, on va dire, 90% de ma clientèle qui est plutôt féminine. Et là où on peut me retrouver, c'est plutôt sur mon compte Instagram. C'est là où en général on me contacte, justine.image tout simplement, et du coup on voit aussi mon travail. Je fais des vidéos qui montrent aussi, qui donnent des idées. Ah, c'est de la look. Mode ça, c'est sur TikTok que vous alors je comme suis ça. Pas trop sur TikTok parce que j'ai un peu de mal avec TikTok. Ouais, bon, on est deux, je suis pas assez jeune pour ça. Je suis beaucoup sur Instagram et je fais ce qu'on appelle maintenant de la création de contenu. Ah oui, où je fais des vidéos pour expliquer. C'est mieux qu'influenceur, quand même. Mais tu influences quand même un petit peu. C'est une forme d'influence. Ça allait mieux. Voilà, c'est ça. C'est une forme d'influence qui est positive. Oui, donc, bien sûr. Heureusement qu'il n'y a pas que des influenceurs. Exactement. Et des influenceuses négatives. Hein. Exactement. Il y a des positifs. Ouais. Il n'y a pas aussi des idioties comme on a vu dernièrement à la télé qui a pu, avec une injection de je ne sais plus quel pétrole dans les fesses, qui a fait décéder une personne. Hein. C'était hier ou avant-hier, j'ai vu ça. C'est... J'arrive pas à comprendre ça. Mais... J'ai une précision à apporter. Oui, mais allez-y, docteur. Vous ne me trouvez. Alors, c'est Anne-Laure. Vous ne me trouverez pas à l'hôpital pour avoir des conseils de santé naturelle. Ah mince. À part si vous êtes hospitalisé, donc je ne vous souhaite pas. Bien sûr. Vous retrouvez là-bas. Cette activité de conseil en santé naturelle, je la fais sur Orléans, en rendez-vous individuel et aussi en visio. En visio, donc vous rendez chez les personnes en général? Je me rends chez les personnes ou j'ai un lieu de rendez-vous à Saint-Jean-de-Bray. Ah, vous avez un cabinet, vous avez d'accord. Oui. N'hésitez pas, on peut le dire en radio. Hein, c'est... Tant qu'on parle pas de tout ça, là on parle de j'ai entendu cette charmante personne qui m'a parlé, je l'ai entendu, où est-ce que je peux la trouver, c'est tout, ça s'arrête là. Non, vous me trouverez sur le compte Instagram ALD Olias. D'accord, oui, c'est ce que j'ai dit. Et Olias, c'est quoi, ça veut dire quoi? Moi je trouvais que ça voulait dire huile. Ça veut dire huile. Huile. D'accord. Huile et centre du village en fonction des langues. Donc ça me plaît bien comme d'accord. concept. D'accord. Un petit peu comme l'émission qu'il y aura demain soir avec notre ami Albinou qui s'appelle Mavrika. Et Mavrika, ça veut tout simplement dire arc-en-ciel en slovène. Mm-hmm. Elle est pas belle, la vie. Hein, et Albino, c'est mon parrain, donc de temps en temps, je lui fais un petit clin d'œil, et je vais en profiter pour en faire un autre, puisque je travaille aussi en partenariat, enfin en partenariat, c'est un bien grand mot, mais puisque Albino m'a coaché pour venir animateur, et c'est lui qui m'a formé. On s'était mis d'accord pour de temps en temps faire passer des musiques. Alors lui, il en fait tous les vendredis soirs. Il met en avant les artistes de la région, les artistes chanteurs, musiciens, et m'a demandé de temps en temps, moi je le fais avec grand plaisir, de promouvoir ou de faire passer des musiques et de faire découvrir à mes invités des groupes comme ça au passage. Donc tout à l'heure, avant que vous partiez, je vous ferai écouter deux ou trois artistes avec lesquels j'ai des relations d'animateurs, et je les mettrai un petit peu en avant parce qu'ils préparent des choses, et il y en a une notamment qui s'appelle Sika, qui a la dernière chanson que je vous dédierai parce qu'elle est vraiment bien écrite. Elle est pas en français, je comprends pas, mais enfin, si je connais le sens de la chanson, puisque ça va tout à fait dans le thème, c'est Sun and Moon, ou Moon and Sun, donc le soleil, la terre. On en parle un petit peu de ça, ou qu'est-ce qu'ils vont en parler des attraits de la terre, du soleil, de l'eau? Est-ce qu'il y a un côté dans la méditation, le côté enlevage du stress? Tout à fait. Et régulation du système nerveux. Eh ben voilà, mais tout à fait. Un jour de pleine lune, c'est intéressant de parler de ça. Oui, alors, j'avoue que ce n'est pas ma spécialité, la méditation. Tout à l'heure, tu parlais de m'avoir vu stressée en arrivant. Oui. J'assume. Et aussi parce que je conseille maintenant aux gens les pratiques que moi j'utilise pour gérer mon stress, qui m'a causé de grands troubles physiques. Et je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Oui, pour parler de la méditation. La méditation, oui, c'est une manière de passer d'un état à un autre du système nerveux. Donc d'agir sur le corps et sur le mental. On voit souvent la méditation comme un état méditatif, comme on l'indique, mais un état modifié de conscience, qui a aussi des effets biologiques, hein, sur le corps. Et donc des effets sur le stress, et biologique et mental. J'avoue que je ne suis pas la bonne personne pour parler des effets de la pleine lune et de changement de saison ou du calendrier chinois sur... Non, mais c'est pas le thème non plus de l'émission, mais je sais que tout ça a un rôle sur l'être humain. Ça, oui. On le voit avec les changements de lune, on le voit avec le soleil, les gens, donc, quand il y a du soleil... Tout à fait. Le soleil, ça fait du bien. Ça dope la mine. Ouais. Mais parce que les rayons du soleil, la lumière en elle-même va agir pour activer la sécrétion de médiateurs dont je parlais tout à l'heure, la sérotonine, dopamine. Aussi va influer sur la sécrétion de mélatonine, qui est le médiateur du sommeil. Donc dès le matin, en fait, quand on s'expose à la lumière naturelle au moins une demi-heure le matin, on prépare déjà la nuit suivante par la sécrétion de ces médiateurs. Donc oui, le soleil a un effet, la lune aussi, avec les mouvements d'eau notamment. Enfin, j'en resterai là parce que ce sont les quelques notions que j'ai. Et quand on sait que le corps est constitué en grande partie d'eau, eh ben, on voit tout de suite qu'il y a un effet. 80%, je crois. Oui, tout à fait. C'est ça. Comme dans la bière, comme par hasard. Et comme dans le vin. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu que le fait de s'exposer le matin, ouais, préparait pour le sommeil du lendemain, enfin du soir. De la nuit suivante. Est-ce qu'on peut approfondir un petit peu la chose? Je trouve ça très intéressant. Eh bien, c'est la lumière du matin, le lever du soleil. Ah, il faut se lever à 5 heures, alors, il faut suivre. C'est magnifique, un lever de soleil. Ah oui, surtout bon. C'est magnifique, donc ça fait plaisir, donc ça agit. On a du bol avec la Loire, on peut avoir de magnifiques choses. Ouais, tout à fait. Donc, tout ça, c'est entremêlé, en fait, aussi, le plaisir, des yeux. Oui. Non, mais au niveau vraiment sécrétion hormonale, c'est démontré que ça accompagne les sécrétions physiologiques du corps. Comme la sécrétion du cortisol, aussi appelé hormone du stress, mais en fait, le cortisol est sécrété naturellement en plus grosse partie le matin, ce qui nous permet de nous réveiller et de nous mettre en activité et en action. Alors là, il faut. Mais d'ailleurs, dans le prêt-à-porter, ils l'ont bien compris, les changements de saison et cette envie, par exemple, de porter beaucoup plus de couleurs quand il fait beau. On voit beaucoup plus dans les magasins des vêtements colorés, printemps, feuilles, été, et beaucoup moins en hiver, alors que finalement, on en aurait plus besoin en hiver pour se donner ce plaisir des yeux dont tu parlais tout à l'heure, Anne-Laure, et puis aussi de colorer l'ambiance qui est parfois un peu grise comme aujourd'hui et hier. Même si là, je perçois un bout de ciel bleu, ça a l'air d'être mieux, mais... Et on associe du coup le côté solaire à plus de couleurs, plus de, alors qu'on en aurait besoin aussi en hiver finalement. Oui, beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Bon. Tout à fait. Et je m'amuse des fois à regarder dans la rue l'hiver le nombre de gens habillés en noir ou en gris. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, oui, oui. Mettez de la couleur dans vos vêtements. Ça change tout. Ouais, c'est vrai que là, de plus en plus, on voit des. Alors, je suis désolé, on a eu un appel téléphonique, j'ai pas eu le réflexe de baisser le micro. Moi, je suis un petit nouveau, j'ai quelques heures de vol, donc. Ne m'en veuillez pas trop, puis ça prouve que la radio, elle vit aussi. En plus, t'es un journaliste, donc il faut pouvoir répondre. Oui, donc on parlait un petit peu de se mettre au soleil, enfin au lever du jour, le matin, pour pouvoir mieux dormir le soir. Oui, alors emmener. Pas forcément se lever à 5 heures du matin, que ça vienne d'une injonction non plus, mais dès le réveil, avant de se mettre sur le portable, le dos courbé et les épaules rentrées. qui nous met dans une posture de peur et d'insécurité. Se mettre confortablement, le dos droit, bien. Ouais, il y a plein de choses comme ça pour le bien-être qui devraient être prises en compte au niveau réveil du corps. C'est des petites choses toutes simples qu'on a perdu l'habitude de. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Écoutez, enfin, la nature est vraiment très très très bien faite. Si on prenait le temps, des fois, des trucs tout simples comme ça, la lumière, ça a l'air tellement bête comme ça, mais ça a tellement de. Ça a tellement de bienfaits, il faut remettre en avant toutes ces choses-là, qui sont là, qui sont présentes et qu'on ignore. Ben voilà, c'est ce qu'on disait dans la toute première, dans l'entrée, dans l'intro, dans la première question, c'était un petit peu ça, de savoir tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on fait plus, parce que, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on faisait comme disait Anne-Laure, docteur, on se lève, le premier réflexe, c'est soit d'allumer la clope pour ceux qui fument, soit d'aller boire le café, parce que ça va me réveiller, et le téléphone. C'est vrai, ouais. Et on est tout de suite dans les lumières bleues, on est toujours le stress déjà dès qu'on allume le téléphone, ça y est, le stress il est reparti. Moi je suis monté à 180 là en plus cardiaque là avec le téléphone, je me demandais ce que c'était qui kingling tout le monde, j'avais trois perdus en face de moi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas mesdames, ce n'est que le téléphone et normalement il devrait pas y avoir de sonnerie, on devrait juste avoir le petit flash, mais bon là ça a sonné, c'est comme ça, c'est la technique. Mais ça aussi, puisqu'on est sur le sujet des choses toutes simples, rien que pour la petite anecdote, il y a 2 ans j'ai accompagné ma frangine pour faire un saut en parapente en haut du Puy de Dôme, et une fois arrivée là-haut elle m'a dit écoute, et c'est vrai, silence. Que c'était le silence. Où est-ce qu'il y a le silence aujourd'hui? Il y a toujours un bruit, il y a toujours. Okay. Après, ça dépend ce qu'on appelle comme bruit. Le bienfait du silence. Ça dépend ce qu'on appelle comme bruit. C'est des bruits de la nature. Pour moi, c'est pas des bruits qui me dérangent. À la nature, le bruit de la nature. Vous êtes obligé d'aller prendre votre voiture, d'aller dans la forêt. Enfin, le bruit de la nature pure aujourd'hui, sans un bruit de voiture, une porte qui ferme, sans machin. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Un lieu silencieux. Des fois, quand tu vas à l'intérieur d'Evcham, du coup. Voilà. Il n'y a pas un bruit, c'est insonorisé. Ça peut être tout bête aussi, c'est de prendre quelques minutes. On n'entend pas les gens crier, on n'entend pas les. Mon patron. Il y a les coussins pour mon mari, mon gars. Je veux pas faire de la vaisselle. La sonorisation totale, c'est pas le but, mais pour se sentir en sécurité, il y a les coussins. Pour hurler à l'intérieur si besoin. Ah, on se met le coussin on s'étouffe avec le coussin. Voilà. Mais aussi, alors, ça n'est pas, Evcham, ça n'est pas que crier et se défouler. C'est ce que je disais aussi un petit peu au début. On peut aussi s'asseoir, se lever dans le plaid et être tranquille, avec dans le silence pendant 10 minutes. Une petite musique. Ah ouais, silence, va, carrément silence. Ah, bah, pourquoi pas. Ouais. Ah oui, non, mais des fois, ça fait c'est propre à chacun. Chacun évacuera comme il a besoin de le faire. Et pour certains, ça passera par être au calme, sans aucune sollicitation, voilà. Lever dans un plaid et dans le silence. Et ce sera propre à chacun. C'est ce que je voulais entendre un petit peu par Anne-Laure, mais elle n'a pas glissé sur le terrain. On parlait de méditation, mais je voulais parler un petit peu aussi. Et c'est pas tout à fait de la méditation. C'est pour remettre un petit peu tous les chakras en ligne et tout le côté. C'est la cohérence cardiaque. Oui. Tu connais un petit peu, ça remet un petit peu les pendules en mouvement. Oui, on remet en fait en mouvement l'axe cœur-poumon. Par la respiration. Par la respiration. Et ça, c'est pas de la méditation. C'est un travail sur soi. La méditation est un autre. Alors, il y a différentes façons de méditer aussi. Oui, bien sûr. Faire des longueurs en piscine pendant une heure peut être un état. On peut être dans un état méditatif. Aller courir tout seul, même avec ses oreillettes, sa musique dans les oreilles, c'est un état peut amener à un état méditatif. Là où je disais que j'étais moins spécialiste, on va dire, c'est la méditation en lotus, sur un tapis. Ah d'accord, voilà. Donc c'est un petit peu dans le côté yoga. Oui. D'accord. Oui. Tu pratiques le yoga aussi? Je pratique le yoga. D'accord. Namasté. Mais j'avoue que à titre personnel, je n'arrive pas à rentrer dans un état méditatif en étant en lotus pendant une demi-heure parce que ça me fait des tensions physiques. Donc, tension Noé. je conseille aux personnes, mais ce n'est pas quelque chose que je vais pratiquer, moi, avec les personnes. La cohérence cardiaque? Non, la méditation. Ah oui, la méditation, d'accord, pardon. Oui. La cohérence cardiaque, oui, c'est une modalité très intéressante pour réguler le stress par l'intermédiaire de son système nerveux via la respiration, parce que on va amener un rythme cardiaque aligné à son rythme respiratoire. Alors comment on pratique, parce que je sais qu'on peut la pratiquer, la cohérence cardiaque, il y a plusieurs systèmes, hein. Comment on la pratique, où peut-on la pratiquer et combien de temps et combien de fois? Alors on peut la pratiquer à tout moment de la journée, même de la nuit, en cas de réveil nocturne, par exemple, et quand le petit vélo se met à marche dans la tête. Moi, il a pédalé fort. Je suis levé depuis 5 heures ce matin parce que je suis pas descendu du vélo, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est d'inspirer sur un certain nombre de temps, d'expirer sur le même nombre de temps. D'accord. Et on peut aussi faire en 4. Voilà. C'est-à-dire qu'on inspire sur, mettons, 4 temps. On retient sa respiration sur 4 temps, on expire sur 4 temps et on retient le souffle à la fin, expulsé. Voilà. Après l'expiration. Et ça sur permet 4 temps. De remettre la machine en phase. C'est ça. Et de manière à évacuer le stress. Alors, aussi en même temps. Oui, alors après, comme disait Karine, il y a différents moyens d'évacuer le stress. Moi, je le vois plus comme un moyen de remettre la machine en marche, en régulation. En marge de régulation pour être flexible aux différentes sollicitations de l'environnement. Et c'est aussi un moyen de repli sur soi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on prend quelques minutes... Pour soi, exactement. Pour poser sa respiration, pour poser son rythme cardiaque. Et même si c'est quelques secondes, enfin mettons une minute le matin, ça une minute le soir. Ça fait 60 secondes dans une minute. C'est 60 secondes. Voilà, prendre 2 minutes pour soi dans la journée, bah, peut-être qu'on peut les prendre au lieu d'être sur son téléphone à scroller. Oui, on peut être à un arrêt de bus, on peut être chez soi, au café, quand madame demande d'aller faire la vaisselle, namasté, pop. Il n'y a pas besoin que madame demande de faire la vaisselle dans la vie. Pardon. Il n'y a pas besoin que madame demande de faire la vaisselle. Non, j'y vais tout de suite. Bah non, mais moi, j'ai pas de lave-vaisselle déjà. On est deux, je vais pas avoir un lave-vaisselle. Mais voilà, mais ça peut être demandé de faire autre chose. Hein. Donc, faire des poubelles et tout ça, 11h le soir. Merci d'aller. Voilà, non, c'était question de blaguer un petit peu. Tu pratiques un petit peu, Justine. Moi, la cohérence cardiaque, oui, ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait du yoga quelques années, mais j'en fais plus. Je suis plutôt dans les sports plus dynamiques. C'est-à-dire je fais du basket, moi. Ah, oui. Mais la cohérence cardiaque, ça m'aide notamment pour m'endormir, parce que moi j'ai parfois un peu de mal à trouver le sommeil, à arrêter le petit vélo, et du coup la cohérence cardiaque, bah ça permet déjà, oui, d'arrêter de scroller par exemple sur Insta ou et de se concentrer. Moi j'ai une appli avec une petite bille qui monte et qui descend, donc bah voilà. Il faut la regarder, et du coup bah ça coupe le reste et ça permet de se mettre dans un état plus calme. Mais tu la regardes à travers un téléphone. Oui, mais bon. C'est pas bien ça. Bah c'est déjà mieux que que de regarder d'autres choses. Donc voilà, c'est moi, c'est comme ça que j'utilise la cohérence cardiaque, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Karine, tu pratiques la cohérence cardiaque? Honnêtement, non. Non, tu devrais. Non, voilà. Moi dans ces cas-là, j'écris. Ah ouais, aussi. Ouais. Alors, moi, c'est un défouloir aussi, l'écriture, mais bon. Voilà, et la pratique aussi, alors dans le yoga, il y a une pratique que je connais un petit peu, c'est le pranayama. Oui, c'est la respiration, le pranayama. Voilà, c'est tout le travail de respiration et qui nous amène à oxygéner le cerveau et de préparer. Moi, je sais que quand j'ai le temps, mais quand je vais sur scène, j'essaye de pratiquer un maximum pour me préparer un petit peu psychologiquement et me ramener toute l'énergie, parce que je vais énormément en avoir besoin. Donc pouvoir enlever, évacuer le stress, parce qu'il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Parce qu'on dit que même si on a l'habitude, on a toujours le côté trac, et je crois que le trac et le stress, c'est à peu près la même chose. Hein, ça se lie. Et voilà, il faut pas que les gens qui sont en face de moi, je veux pas leur transmettre. Je veux pomper leur énergie et leur transmettre la mienne, parce que quand ils repartent. Et ça, pour moi, c'est un travail qui est fondamental sur... Il y a le côté de la musique, le côté du chant, mais aussi le côté de la personne, tout ce qu'on doit transmettre. Mmh. Comme tout à l'heure, quand je vous ai accueilli, je me doutais bien qu'il y avait sûrement, pour ceux qui n'ont jamais fait de radio, une petite partie de stress. Et mon premier geste à faire, c'est de casser la vitre. Ce qu'on appelle casser la vitre, c'est leur dire, écoutez, on est là, ça va bien se passer, même si techniquement, pour moi, c'est pas toujours facile. Mmh. Mais vous inquiétez pas. Relax, easy, comme on dit, parce que je parle anglais maintenant. On va le faire. Il est 15h33. On continue un petit peu. D'accord. Tu veux rajouter quoi sur le côté fringue, sur le côté habit, sur le... T'aimes bien le côté fringue ou tu préfères le côté vestimentaire en termes? Fringue, ça me va. Moi, j'aime bien les fringues. Alors, c'est pas forcément péjoratif. D'accord. C'est ce qu'on disait pendant que tu faisais le standard de la radio. On parlait des couleurs et du fait qu'on met beaucoup plus de couleurs au printemps. Et vous avez vu que j'étais rouge là. Au printemps et à l'été, alors qu'on en met moins en hiver et qu'au contraire, on aurait besoin plus d'en mettre parfois en hiver. Ce qui est important aussi, c'est encore une fois, c'est de s'écouter. Et moi, je mets par exemple beaucoup de vêtements noirs, mais c'est un choix, c'est pas pour me cacher, alors qu'il y a des gens qui vont mettre du noir pour se cacher, parce qu'ils ont l'impression qu'ils passent plus inaperçus, etc. Donc, encore une fois, c'est vraiment une histoire de savoir ce qu'on aime, ce qui nous va, et puis après de jouer avec ça en fait en fonction des jours et de l'énergie qu'on a envie de donner, de l'énergie qu'on a aussi en soi, parce que il y a des jours où on n'a pas l'énergie de mettre un pull rose, et puis d'autres oui. Moi, j'en mets pas de pull rose. Tu devrais, ça t'irait bien. Ouais, merci. On va essayer. Mais oui, c'est en fait moi ce pourquoi je milite, c'est aussi de casser le côté de croire que c'est superficiel en fait, de s'habiller et de s'apprêter, alors que encore une fois, c'est un vrai outil et ça peut être un vrai. C'est fondamental. Ouais, un vrai facteur qui change quelque chose. Moi, je l'ai vu vraiment sur des gens que j'ai accompagnés. Et qui, en ayant retrouvé une apparence physique qui leur convient, ont repris confiance en eux. Et après, ça déclenche même d'autres choses, une envie de changer de travail parce que on a plus confiance en soi, donc on se sent. De poste, de grimper. Exactement, on se sent légitime pour aller demander une promotion, on se sent légitime pour postuler à autre chose. Enfin, voilà. J'ai toujours fait ça, mais ça a jamais marché. <C'est beaucoup. rire> Donc il y a vrai, enfin voilà, ça peut avoir un vrai impact dans la vie. Donc changer d'apparence, pour toi, ça change une vibration. Ah oui, clairement. Clairement. Et même, enfin, moi, je le vois quand je suis fatiguée, quand je suis comme tout le monde. Il y a des jours où j'ai pas envie de m'habiller, où je sais pas quoi mettre. Ça m'arrive aussi. Hein. On peut être sûr que c'est ce jour-là où je croise quelqu'un dans la rue qui me dit « Ah, je vous reconnais oui, j'ai vu vos vidéos !» C'est toujours comme ça. En noir et tout. C'est ça. L'idée, c'est, encore une fois, c'est pas de se rajouter une pression. C'est pas de remettre une injonction supplémentaire de « Il faut tout le temps s'habiller au top, il faut tout le temps... » Mais en fait, changer d'apparence, oui, ça change une vibration parce que, je reviens sur la posture physique, moi j'ai vu des gens, juste en changeant de tenue, se tenir différemment face au miroir. Parce que d'un coup, on redresse les épaules, d'un coup, on se regarde différemment. On se découvre. Exactement. Et du coup, forcément, ça change la vibration avec les autres. Ou une femme. Exactement. Ah, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Et moi, je vous parlais tout à l'heure de faire découvrir des artistes, enfin, du moins un artiste pour l'instant. C'est un artiste que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Alex Lebaille. Peut-être que vous le connaissez. C'est un artiste de la région Centre, qui a notamment... éclaté, on va dire, au sein du public pendant le Covid. Il a écrit une chanson qu'il a dédiée au personnel soignant. Cette chanson, elle a été repérée par... Alors, je raconte un petit peu sa vie, hein, mais il en parlera mieux que moi quand il viendra dans l'émission. Cette chanson, elle a été repérée parce qu'elle a été énormément vue. Alors, je vous dirai pas combien de fois, mais elle a été énormément entendue et vue, parce qu'on dit des vues sur Facebook, mais c'est surtout écoutée. Et ça l'a fait un petit peu éclore et il est devenu artiste professionnel, chanteur. Et il écrit, et là justement il a écrit un dernier titre, dans son dernier album qu'il va présenter le 11 avril, il sera à la MAM, je sais pas si vous savez où se trouve la MAM. De l'autre côté, là, vers le Charles Péguy, il sera à la MAM, l'entrée est gratuite, il va sortir je crois que c'est son troisième album. Et là, il écrit un titre alors qui était un petit peu tristouné, mais qui va sur la perte d'un enfant. Ce qu'il a expliqué que quand on perd un enfant, c'est souvent la femme qui est mise en avant, mais très peu l'homme, alors que l'homme il souffre autant que la femme. Et il a donc écrit ce titre à ce niveau-là. Et je vais vous le laisser écouter si j'arrive à le caler comme il faut. Et c'est donc Monsieur Alex Lebaille. Perdu dans Voilà, c'était Monsieur Alex Lebaille qui sera donc le 11 avril pour la sortie de son troisième album. Donc ça sera à la MAM en face de Charles Péguy, cours Victor Hugo. L'entrée est gratuite, c'est à partir de 20h. Il aura en première partie Eléa et SV, si j'ai bien noté. Voilà, donc Alex Lebaille, puis un petit peu plus tard, je ferai découvrir aussi d'autres personnes charmantes. Mais là, je les ai en face de moi, donc je ne voulais pas découvrir. Je les garde que pour moi cet après-midi. Il nous reste encore une vingtaine de minutes, on va faire le tour, tout doucement, comme disait Bibi à l'époque. Donc on va refaire un tour. Donc j'ai toujours en face de moi, légèrement sur ma gauche, donc à la droite dans le studio, j'ai Anne-Laure, qui est docteur en pharmacie. J'ai Karine avec Evesham. Voilà. Et j'ai Justine qui... conseillère en images. Voilà. Donc ce sont trois personnes qui sont venues parler un petit peu du bien-être sur la radio Arc-en-Ciel 96.2 dans l'émission Didier & Co. J'ai rencontré Karine il y a quelques temps. On en a discuté. Je dis, parler pendant 2 heures de ce que tu fais, ça va être un petit peu long. Mais voilà, le bien-être, je pense que tu vas trouver du monde. Malheureusement, on n'a pas la quatrième personne qui s'est un petit peu blessée avant de venir. Vraiment, 20 minutes avant. Ouais, elle a laissé son petit doigt de pied. Le gros. Ouais, ça fait mal. Tout bleu, tout violet. Ça fait mal. Et donc, 15h43, bon, on va continuer gentiment. Alors, comment reprendre un petit peu? Je sais que j'ai quelques questions. Alors, j'avais beaucoup de questions. J'avais une dizaine de questions sur les oracles. Bon, une de peau, on les a pas. Avant de passer sur les questions, est-ce que vous avez quelque chose à redire un petit peu, quelque chose que j'aurais oublié ou que vous auriez oublié, Anne-Laure? Bah moi j'ai envie de dire que Evesham est totalement un outil de régulation. D'accord. Des nerfs, du mental et du corps. Parce que moi je l'ai essayé. Ah. Oui. Et alors? Et alors, j'ai beaucoup aimé non, aussi. Non, elle a pris la session. Ouais, j'ai fait la session plus posée, méditative. Oui, parce que tu as trois sessions qui sont... Alors, j'ai trois sessions. J'en ai... Excuse-moi, Anne-Laure, je t'ai coupé, mais voilà. Avec plaisir. Et d'ailleurs, avec les sessions, je me suis un petit peu amusée. Vous verrez, en fait, ça donne TNT. Du coup, ça donne TNT, le nom des... Eh oui, pour une explosion d'émotions. Alors, nous avons le premier T qui est tornade. Tornade, celle-ci, c'est celle-ci la plus intense physiquement. Elle dure 5 minutes. Là, on va... C'est vraiment pour le côté des fouloirs. Celle-ci, c'est celle où on va taper contre le mur, on va taper les poings dans le vide, on va crier. Celle-ci, on est fatigué à la fin. Normalement, c'est vraiment pour les gens qui ont besoin d'un shot physique court, mais plutôt intense. La deuxième, nébuleuse, donc le N, celle-ci, elle dure 10 minutes, et c'est le café Anne-Laure la dernière fois. Et là, on va plus poser les tensions. On va respirer, on va faire des mouvements légers, on va plus se poser. Et la troisième, le deuxième T, qui est tempête. Celle-ci, oui, elle dure 15 minutes et comme l'illustre très bien la tempête, on va traverser un peu toutes les émotions. C'est là qu'on voit les amortisseurs qui font. On va monter en intensité, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre, on va aller chercher un petit peu tout. D'accord, alors ça, tu fais comment? Tu fais au chrono et dès que c'est fini? Alors non, j'ai enregistré les sessions. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme le but étant de relâcher, de poser le cerveau, les sessions sont enregistrées à la voix. Il y a une enceinte à l'intérieur avec une clé USB et en fonction de la session choisie. Je vais venir voir tout à l'heure. La personne rentre. Et alors, après, il y a une petite particularité aussi que je n'ai pas précisée, c'est qu'elles sont guidées à la voix toutes, si les trois sont guidées à la voix, mais tornade et nébuleuse peuvent être juste sans le guidage voix, juste avec l'effet sonore. Parce qu'il y a des gens qui se connaissent vraiment très bien, qui savent déjà ce qu'ils ont à faire et qui ont juste besoin de l'espace pour évacuer comme ils ont besoin. Dans ces cas-là, je lance juste le son, mais il n'y a pas la voix qui guide. Tu le lances loin, le son? Ouais. Ça, c'est une possibilité, en fait. Donc, soit on choisit la session guidée, soit juste la session, mais avec le fond sonore, et on laisse libre cours à ce qu'on a besoin à l'intérieur. Sauf pour Tempête, c'est la seule qui est forcément guidée. Mais les deux autres peuvent être non guidées à la voix. D'accord. Ah, ben, c'est parfait, tout ça. On peut te trouver quelque part, sinon, sur un site internet, par exemple. J'ai un site internet, evesham.fr, j'ai un Facebook, qui est Evesham, et j'ai un Instagram qui est evesham.officiel. Ça fait beaucoup d'heures au téléphone, ça, ça fait beaucoup d'heures sur le portable, parce que maintenant tout se fait avec le téléphone, ou c'est un site, le site, tu le fais quand même. C'est un temps que je choisis par semaine pour. D'accord. programmer tout ça, tout mettre à la semaine. Il est très, très zen, couleur pastel, vert oui, pastel. Oui, voilà, c'est là. Ça. Le vert est une couleur très apaisante, oui. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là, madame Non. Le vert et le bleu. Oui, il y a des couleurs, effectivement, dans la symbolique des couleurs, le vert, ça fait partie des couleurs les plus apaisantes. Mais après, il y a tellement de types de verts que, du coup, entre un vert amande, un kaki, un vert bouteille, on n'est pas sur les mêmes... Juste pour le petit aparté, le côté couleur se retrouve aussi beaucoup dans la musique, et dans la musique qui va nous faire vibrer, dans le groove, mais dans le côté, les notes. Chaque note, c'est une fréquence, c'est une couleur. La science ne l'a pas encore vraiment détaillé, ne l'a pas vraiment fait, mais ils s'en servent un petit peu dans la musicothérapie, ils s'en servent un petit peu dans des choses comme ça. J'avais un musicothérapeute, enfin non, c'était pas un musicothérapeute qui était venu, c'est une personne qui est rentrée en EHPAD pendant, il a fait une investigation, pendant plus de 9 mois, il a été dans un EHPAD parisien et il a filmé les praticiens et il a filmé les patients et le service soignant justement par rapport à Alzheimer, mais par rapport à la musicothérapie, et il a fait un travail, alors j'ai plus le prénom, mais je sais que son nom de famille, c'est Garcia, qui est très connu dans le milieu de la musicothérapie, qui m'a appelé par téléphone, et c'est vrai que là, j'ai eu un gros stress, parce que, c'est madame, on l'appelle dans le milieu, et c'est vrai qu'elle m'expliquait un petit peu tout ça, et elle m'expliquait que les personnes âgées aussi avaient besoin de... Parce que le stress, il n'est pas qu'à 20 ans, ou à 18 ans, ou à 30 ans, il a tout âge. Et des fois, de faire des sessions de déstress, comme il disait, ça passe aussi par là. Qu'est-ce que tu en dis, Anne-Laure? Eh ben moi, j'en reviens que Cham est un excellent itinérification. Parce que j'ai pas terminé mon sujet. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle répondait à Anne-Laure tout à l'heure. Voilà, ouais, on est parti, mais il te reste encore 12 minutes. Hein, ouais, même s'il faut 15, 16, c'est pas... Non, mais tout se recoupe, parce que voilà, tu parlais de la musique. Pour être accompagné d'un espace sécurisé aussi. Mine de rien, on parlait de roulotte. ou de remorque, enfin voilà, mais c'est avant tout 4 murs, un sol, un plafond, et ça pour du coup le système nerveux, j'y reviens toujours, mais pour lui c'est des éléments de sécurité. C'est une bulle. Carrément, voilà, une bulle, exactement, les couleurs aussi, les coussins, enfin, voilà, c'est tout un cocon dans lequel on se sent en sécurité, tout en étant à l'extérieur de chez soi ou de son bureau aussi, donc on sans regard extérieur, on s'affranchit de l'effet de groupe, de la honte potentielle. C'était ça l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de regard, pas de jugement pour se sentir libre de s'exprimer comme il faut. Enfin, ouais, librement. Tout à fait. Et de ne pas avoir peur de perdre le contrôle quelque part. Et en plus, on sait combien de temps ça va durer, potentiellement. Tout en sachant qu'on ne va pas avoir d'alarme au bout de 20 minutes. On n'est pas stressé par le temps, quoi, je veux dire, c'est ça. Voilà, alors on n'est pas stressé par le temps, mais d'un autre côté, on sait combien de temps ça va durer. Donc on sait que le temps, d'un autre côté, est subjectif aussi. Le temps qui passe est subjectif en fonction de la situation qu'on vit. Mais je trouve que le fait de savoir que oui, ça va durer 10, 20 minutes, c'est aussi un élément de sécurité que l'on donne au cerveau en disant « tu sais où tu vas ». Et voilà, tu prends ce temps pour toi, et c'est super. Hein. voilà, c'est vraiment une bulle où on revient soit avec soi-même et à l'écoute de ses besoins et de ses ressentis. Clairement. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Karine, là-dessus? Sinon, on va passer aux questions, questions des auditeurs et des gens rencontrés. Très bien résumé, c'est exactement ça qui était visé. C'est un moment soit avec soi-même, sans jugement, sans performance, sans regard. Ça, c'est important. Et même si c'est court, ça empêche de se poser des questions et de vivre le truc pleinement, en fait, cette petite bulle. Voilà, moi j'ai quelques questions. Alors on a répondu tout au long de cette heure et demie, de ces 2 heures presque. Mais c'est vrai que bon, comme j'ai dit, j'ai été chercher des auditeurs ou des gens que même j'ai rencontrés dans la rue. Je me suis présenté, j'aurais dit j'ai tel invité. Est-ce que vous auriez une question ou deux à leur poser? Et on dit non, j'ai rien. Puis d'autres je veux bien. C'est où votre émission? C'est comment? Donc j'ai pour c'est pour qui? C'est pour toi, Karine, de la part d'Aurore. Alors bonjour. Moi j'ai du mal à exprimer mes émotions. Est-ce que se défouler physiquement peut vraiment remplacer le fait de parler ou est-ce complémentaire? Alors, je dirais que c'est une autre façon de faire. Parce que parler, oui, des fois, ça va suffire. Mais des fois, ça ne va pas suffire. Et des fois, c'est le corps qui a besoin de s'exprimer parce que c'est forcément stocké quelque part. Si avec la parole, c'est encore coincé là, eh ben on essaye autre chose et on passe par le corps. D'accord. C'est complémentaire. Ok. Ben, j'ai une question pour Justine. Non, je plaisante, parce que Justine est en train de sortir. Elle a besoin de prendre l'air un petit peu. Elle a toujours cette toux qui est là et elle n'arrive pas à sortir. Ben, je vais passer une question. Alors, je vais aller directement sur Laurent, Justine, Brice. Ben, c'est pour les oracles. Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup de questions qui étaient au niveau des oracles. Qu'est-ce que je pourrais... demander au docteur, ou est-ce que docteur... Alors, tu veux rajouter quelque chose avant de conclure? Oui, moi, je vois une question oui, sur une l'écran. Question pour Anne-Laure. Est-ce que le stress qu'on ressent mentalement peut vraiment dérégler le corps? Oui, c'est Véronique, oui, autant pour moi. Vas-y. Alors, on va relire ce que j'ai parlé par-dessus, excuse-moi. Est-ce que le stress qu'on ressent mentalement peut vraiment dérégler le corps sur le long terme, ou est-ce qu'on exagère son impact? Très bonne question. Oui. C'est une très bonne question. Eh bien, non. Non, on n'exagérera jamais l'impact du stress sur le corps. Alors, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a du bon stress et du mauvais stress. Le stress, à la base, c'est physiologique. Le corps a besoin de se stresser, de se mettre en action pour répondre à une situation qui demande à ce qu'il se mette en action. Voilà, ça peut être se mettre à courir parce que le lion arrive pour nous manger, mais en étant un peu plus pragmatique, c'est ce qui permet de traverser la rue quand le bus arrive et qu'on est au milieu de la route. Le problème, c'est quand le stress devient chronique. Et c'est là que, du fait des sécrétions dont je parlais tout à l'heure, de cortisol, de sérotonine, de dopamine, il y a un emballement du corps et donc du fonctionnement des organes, des tensions qui s'accumulent dans le corps physique, mais aussi du coup mental, et qui peuvent avoir un impact à moyen et long terme. D'accord. Donc non, on n'exagérera jamais l'impact du stress sur le corps. Et pour conclure, je dirais que c'est aussi un ressenti propre à chacun. Il y a des personnes qui réagissent beaucoup mieux à mauvais stress qu'à d'autres qui sont affolées en étant exposées à la même situation. Donc c'est aussi à chacun de vivre avec ses propres ressentis, qui est influencé par son histoire aussi. Et qu'il ne faut pas minimiser le stress que ressent son voisin sous prétexte que nous n'aurions pas réagi de la même manière. D'accord. Ah, tout un vaste programme, ça, expliqué oui. Par Anne-Laure, quoi, qui est docteur en pharmacie, qui travaille notamment à l'hôpital d'Orléans, à la pharmacie, et en même temps qui a un cabinet de consultation à Saint-Jean-de-Bray. On peut donner c'est éventuellement ça. L'adresse. Non, je donnerai l'adresse aux personnes d'accord. qui me contacteront voilà, par la d'accord. suite. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, si elle veut, on mettra ça sur la page ou pas. Mm-mm. Mais voilà, c'est par contact. Et ça s'appelle Elé Olias. ALD. Olias. ALD Olias, ça se tient. Oui, tout attaché avec un E au milieu. D'accord. Justine, tu as répondu tout à l'heure, ça va mieux déjà? Oui. Pour tous ceux qui sont allergiques au pollen, on est ensemble. tous contre le pollen. Oui, c'est sacré pollen, hein, ces allergies de... De saison. Et il y en a de plus en plus, ouais, Il y en a de plus en plus. Ouais. Alors, tu as déjà répondu un petit peu, mais bon, on va répondre quand même à Laurent pour Justine. Est-ce qu'on peut vraiment reprendre confiance en soi juste en changeant son apparence, ou c'est forcément plus profond que ça? Alors, c'est difficile de répondre. Ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes pour qui le manque de confiance, il va être très profond parce qu'une histoire de vie compliquée, parce que donc... voilà, tout un tas d'éléments qui peuvent rentrer en compte, où forcément c'est pas juste en changeant d'apparence qu'on peut balayer des traumatismes plus profonds. Mais j'ai accompagné des gens qui avaient suivi par exemple des psychothérapies pendant quelques années, qui, pour qui le conseil en image venait mettre en action finalement et en matérialiser ce changement qu'ils sentaient à l'intérieur, ou à l'inverse ça a été des fois la porte d'entrée pour commencer un travail après plus profond. Et pour d'autres personnes, ça a été entre guillemets uniquement cet accompagnement de conseil en image qui a changé les choses pour eux. Donc en fait ça dépend vraiment aussi de son histoire de vie, ça dépend de pourquoi on a un manque de confiance. Mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée déjà, et c'est toujours utile, quel que soit le parcours où l'on en est par rapport à sa confiance en soi. D'accord. Eh bien, il est 15h57. J'avais pour invité, il reste encore quelques minutes, donc Justine qui vient de prendre le micro, Karine qui est au milieu avec Evcham et Anne-Laure, donc docteur en pharmacie. Moi, pour conclure un petit peu cet entretien, cette interview, ce côté bien sympathique, je dirais que peut-être que le vrai bien-être, ce n'est pas une méthode unique, mais c'est un mélange de sciences. C'est un mélange de ressenti, d'image et d'authenticité. Cet après-midi, dans Didier & Co, nous avons croisé les regards de... Alors j'avais marqué quatre, mais c'est trois expertes. Les pratiques, les convictions, et au fond, une chose revient, se reconnecter à soi. Alors, vous qui écoutez, prenez une seconde. Respirez. Et demandez-vous, moi, aujourd'hui, de quoi ai-je vraiment besoin ? Merci à nos invités. Merci à toi, Justine. Merci. Merci, Karine. Merci à vous. Merci, Anne-Laure. Merci. Docteur. J'ai bien apprécié ce miroir croisé entre ces trois invités. On se retrouve très vite dans Didier & Co. Ça ne sera que la semaine prochaine. Mais en attendant, si vous voulez rajouter un mot de fin, pourquoi pas ? Docteur, à vous le micro. Eh bien, tu l'as bien dit, mélange de science, de ressenti, d'image et d'authenticité. La base, c'est son ressenti. Et puis moi, j'ai pour habitude de dire, prenez soin de votre santé, de votre sérénité, parce que c'est la base de tout. Non, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a tout le temps le sourire. Et ça, pour un animateur en face... Bah, c'est gratifiant et ça prouve que les gens sont bien en face et qu'ils sont plus stressés. Moins stressés qu'au début. Oui, mais je me régule. Voilà. Sinon, après, tu peux aller là-bas à la zone d'activité. Karine. Alors moi, j'aurais envie de vous dire, accordez-vous quelques minutes. Autorisez-vous, osez. Je reviens à ce que tu disais un petit peu, Didier, tout à l'heure. Osez-vous un souffle, osez un mouvement, osez un silence. Laissez passer ce qui n'a plus besoin de rester là et qui doit être déposé. Accordez-vous quelques minutes quand vous en ressentez le besoin. Prenez soin de vous, parce que la seule personne qui peut prendre soin de vous, c'est soi. C'est vous. C'est nous. Justine. Mais j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont senti que ça pouvait leur parler, qu'il y avait un appel. Parfois, on n'ose pas aller au bout. On se dit, ah, ça me parle. L'une de nous trois, ou nous trois, peu importe, oser nous parler. J'ose dire pour nous trois, sur nos comptes Instagram ou sur voilà, sur nos sites internet. Eh bien, on va les rappeler. Alors, pour ma part, c'est justine.image. Karine. Sur Insta et sur Facebook. Oui. Plutôt Insta. J'ai un Facebook aussi, mais franchement, je lis pas trop les messages, donc écrivez-moi c'est plutôt bien, sur ça. Insta. Moi, on va avoir fcham.fr pour le site internet et fcham.officiel pour l'Instagram. D'accord, on les mettra sur ma page après. Et donc sur Instagram, ALDEOLIAS, ALDEOLIAS. Eh bien, écoutez, mesdames, c'est parfait. Je vais vous libérer de ce stress en face de l'animateur Radio Arc-en-Ciel. Il est 16h01. Nous sommes pile dans le timing. On va passer un petit peu en coin musique et puis je vous invite à venir par la suite visiter le studio technique. Merci à vous trois. Merci. Au plaisir. Bonne et puis, fin de journée. Si un jour vous avez une autre invitation, une autre idée d'invitation pour parler, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis ouvert à toute proposition de faire découvrir aux gens ce qu'ils veulent découvrir et de venir parler de leur passion. Je sais que j'aurai notamment, j'ai noté un petit peu ça, parce que j'ai plein de rendez-vous. Puis aujourd'hui, j'ai des papiers partout. Alors, pour tout vous dire, le 9 avril, il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'animation, j'aurai pas d'invité. Parce que bon, j'ai une petite opération, rien de grave. Je serai peut-être pas trop en forme. Alors, je vais voir comment je serai ce jour-là. Le 23 avril, nous allons parler autisme. D'accord? Avec une invitée qui m'a demandé. Le 30 avril, ça sera avec une personne que j'ai fort dans mon cœur, Sylvie Verchère, qui est ma sœur, qui m'a posé plein de questions sur les oracles, parce qu'elle lit, elle connaît les oracles. Donc elle va pas nous parler des oracles, elle va nous parler précisément de la vieille Europe et des Yamnaya. Vous connaissez les Yamnaya ? Pas du tout. Eh ben, ce sont nos ancêtres avant les Gaulois. C'est des gens des steppes qui sont arrivés et qui ont investi l'Europe. Voilà, elle vous dira tout ce jour-là. Moi, je sais que ça aujourd'hui. Le 7 mai, ça sera le monde des confréries. Est-ce que vous connaissez les confréries ? Le milieu des confréries. Pas trop non pas plus. Trop. Non. Alors, c'est que ça existe après. Ce sont des gens qui représentent un petit peu tout ce qui est métier de bouche, tout ce qui est boisson. C'est ancestral, hein, les confrères, les confédérations, tout ça. Et j'aurai le plaisir d'avoir le grand maître de la confrérie des vignerons d'Orléans, la confrérie. Et en même temps, c'est le grand maître de l'ambassade des confréries de la région centre. Donc, qui viendra nous parler un petit peu du monde des confréries. Donc si jamais vous voulez savoir un petit peu plus ce que c'est que les confréries, ils sont toujours en habit, toujours très et ben il viendra nous en parler un petit peu. Le 14 mai, ça sera, on va parler son mix avec Dominique qui vient nous parler de son studio d'enregistrement. J'ai eu l'occasion d'avoir un ingénieur du son qui était live, donc qui était à Philharmonique de Paris, qui est venu nous parler du live. Et là, Dominique viendra nous parler du son quand on fait un studio en tant que guitariste, chanteur. Comment ça se passe une session. Le 21, j'aurai Alex Leplay, et non pas Alex Lebaï, mais Alex Leplay, qui est une autrice, compositrice, chanteuse, qui viendra présenter son album, et elle viendra en studio. Ça sera ma première invitée en tant que musicienne dans le studio. Le 28, on va parler magie avec Michel. Michel qui connaît très bien la magie, que j'ai rencontré à la Foire Expo, parce que vous savez qu'on était à la Foire Expo toutes les 10 jours avec Radio Arc-en-Ciel. On s'est super régalé. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe d'Arc-en-Ciel d'avoir fait confiance. J'étais un petit peu le voltigeur. Pour un pilote d'avion, c'est normal. J'allais de stand en stand. J'ai fait plein d'interviews super sympas. Et j'ai notamment rencontré Michel qui fait partie d'un groupe d'hypnose qui s'appelle Hypnotise avec 3 Z. Et il m'a dit qu'il était musicien aussi. Il nous a fait quelques tours. Et j'ai dit, mais dis donc, tu viendrais pas nous parler de magie un petit peu? Il m'a dit, mais si, certainement. Donc, je pense même qu'il va faire des tours de magie en fréquence. On va en rester là jusqu'au mois de mai déjà, c'est pas trop mal. Après, je sais que je vais rencontrer un spécialiste du Japon qui va nous raconter culinaire, le Japon, comment c'est, tout ça. Et j'ai aussi les institutions, la Marine nationale, le service recrutement, la gendarmerie, les pompiers. J'espère un jour avoir quelqu'un du SMUR, du SAMU, pour parler un petit peu de tout ce qui est médical. Je pense qu'on en discutera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mmh. Je les connais un petit peu, mais bon, ça a bien changé depuis le temps où j'étais dans le milieu. Voilà, et puis pour nous quitter, je vais donc vous envoyer en musique très fortement avec une personne que j'affectionne aussi particulièrement, qui a une très belle voix, qui est une chanteuse agréable, et avec une composition, c'est le Quatuor, parce qu'ils sont deux ou quatre, Sika. Est-ce que vous connaissez Sika ? Non. Non plus. Pas dire que je connaisse, mais ça me dit quelque chose. Alors, Sika, c'est justement le titre de leur album Sun and Moon. Et comme ça va, comme j'en disais tout à l'heure, je vais vous faire découvrir Sika. Alors, Jess, au micro. Voilà, c'était Sika. Presque 3 mois après, elle a sorti son album. Enfin, ils ont sorti l'album. Et c'était Sun and Moon. Et n'hésitez pas, rapprochez-vous quand elle est en concert prochainement sur la région, d'aller la voir et d'aller les voir, les encourager, parce qu'ils font vraiment du très bon travail. Eh bien, musique maestro. Il sera le 16 avril, il sera au Printemps de Bourges, à la scène Le Berry. C'est un artiste que nous avons reçu ici avec Albino Mavrika. Il s'appelle Axel de la Paix et je vous laisse écouter Face au Ciel. Salut. C'est Axel de la Paix. Je suis dans le 94 en région parisienne et j'écoute Didier Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. J'écris ce poème comme je fais de la musique. C'est tôt décrit à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une ode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Naissance caressée par la douceur de la brise. Mon septième sens sent le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'or bleu m'invite. La nature se réveille, mais le face au ciel, face au ciel. M'a tendu, m'a tenu, m'a tendu, m'a tenu. Face au ciel, face au ciel. M'a tendu, m'a tenu, m'a tendu, m'a tenu. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors s'accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de mécéants. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui ne commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sort du centre, qui se recentre, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, face au ciel. M'a tendu, m'a tenu, m'a tendu, m'a tenu. Face au ciel, face au ciel. M'a tendu, m'a tenu, m'a tendu, m'a tenu. Comment trouver la tâche et l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe sous comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame. T'évites les larmes et au bout qui se crame. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en pétale. J'écris ce beau, comme je fais de la musique, comme je fais de la musique. Car ode écrite à l'aube n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Face au ciel. Axel Delapaix, rap français. Il sera donc au Printemps de Bourges sur la scène Le Berry entre 15h10 et 15h40. Et là, je vais vous faire passer un petit message personnel. Didier Nico, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Ceci est un message personnel. But a voice of voice, musta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, monsieur Florent Amigo. Alors, Florent Amigo n'est rien d'autre que le podcasteur de l'émission, enfin de la station Arc-en-Ciel et notamment de l'émission Didier & Co. C'est un petit clin d'œil à celui qui nous permet de, bah, d'avoir les archives sur tout ce que l'on fait. Et là, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi également. Je vous dis qu'il serait dans nos studios le même jour que Alex Delapaix, sinon j'aurais été à Bourges. Mais je reçois ce jour-là donc un autre artiste qui est venu nous voir à la Foire Expo, qui a fait un petit live musical. Il nous a chanté la chanson que vous allez découvrir, le titre qui est de sa composition. Donc il est auteur, interprète et compositeur de ce titre qui a été écrit juste un petit peu au moment du comment dirais-je, la catastrophe qui a eu le 31 du côté de la Suisse. Et je vous laisse donc écouter monsieur Chris Milan. Ils étaient beaux, ils étaient là, le cœur en joie, une fête, et voilà. Ils étaient jeunes, ils avaient tout, la vie a fait qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils aimaient rire et s'amuser. Leur avenir et leur destin brisé. Ils étaient jeunes, ils avaient tout. Je ne comprends pas ce dernier rendez-vous. Ce dernier rendez-vous. Je je ne comprends pas ce dernier rendez-vous, ce dernier rendez-vous. Je ne comprends pas ce dernier rendez-vous. Ils étaient beaux, ils étaient là, le cœur en joie, une fête, et voilà. Ils étaient jeunes, ils étaient nous, ce drame fait qu'on ne les oubliera pas. On les oubliera pas. Ce drame fait qu'on ne les oubliera pas. Qu'on ne les oubliera pas. Ce drame fait qu'on ne les oubliera pas. Jamais. Nous en parlions tout à l'heure avec Efcham, là où je vais la rejoindre tout à l'heure, donc dans la zone d'activité de la vallée à Saran. Et juste à côté de cet endroit-là, il y a un endroit qui s'appelle le Beer Garden. Le Beer Garden, c'est un lieu où on peut venir rencontrer des brasseurs et voir comment se fait la bière, mais pas que. C'est aussi un endroit où on peut découvrir des musiciens. Et pour ceci, nous aurons donc le groupe, le nouveau groupe, Blue Stomawhack Nouvelle Génération, qui sera en concert le 10 avril en After Work à cet endroit. Donc l'horaire sera sur la page du groupe via Facebook. Voilà, Blue Stomawhack. Et juste après notre ami Chris Milan, qui sera dans les studios d'Arc-en-Ciel le 16 avril, j'aurai le plaisir de recevoir Alex Le Play. Alors c'est une autrice, compositrice, interprète. C'est une découverte info-concert région Centre-Val de Loire, mais c'est aussi une découverte pour Didier & Co. Je vous laisse écouter donc Alex Le Play. Thank you. Voilà, c'était donc Alex Le Play. Alors, il y a Alex Le Bail, Alex Le Play, Axel de la Paix, Chris Milan qu'on a découvert. Et là, comme nous sommes passés un petit peu du côté du printemps, qu'il nous reste à peu près une petite demi-heure, bah écoutez, je vous ai concocté un petit mix gentillet de la musique que j'aime bien, que j'écoute de temps en temps, et puis qui remet un petit peu le soleil dans les cœurs. Donc c'est parti pour une petite demi-heure de musique, en remerciant les invités Justine, Karine et docteur Anne-Laure, qui sont venus nous parler un petit peu du bien-être. Voilà, donc Anne-Laure, docteur en pharmacie, qui nous parlait du stress, notamment. Karine Efcham, qui nous parlait de son défouloir mobile. Et Justine, qui nous parlait de l'image et de l'image en soi, et de se rhabiller un petit peu pour être tip-top dans sa propre image. C'est Justine Image que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse en musique jusqu'à 17h. Enfin, je suis bien sûr dans les studios, je suis aux manettes, et je vous dis à tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, 16h31, c'est toujours Didier & Co. Et en avant la musique. Yeah. Stéphane de Saran et j'écoute Didier Henko sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est toujours Didier Henko. Hey, hey, hey, no, no, no, hey, hey, hey. 16h44, Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel 96.2. Ah! Orléans, 96.2 MHz. Il est 16h55 que vous écoutez Didier & Co. Il nous reste 4 à 5 minutes ensemble. Je voulais simplement faire un petit coucou à Annabella qui nous a fait le travail pendant quelques années, qui est partie vers d'autres horizons. Et je voulais donner un grand bonjour à Jess qui nous rejoint dans l'équipe Arc-en-Ciel et qui vous répondra au micro et par mail. Welcome. 16h59, Radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans, Didier Co, Didier au micro. Il va être l'heure de nous quitter dans presque une minute. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et dans une heure et demie, arrivera Chantal avec Groove Tropical. On reste dans le rythme, on fait chauffer les baskets sur le parquet et on termine cette partie Didier Co avec du bien-être. Arc-en-ciel 96.2 Orléans. Didier Co, c'est terminé. Je vais basculer sur RDP, la radio internationale portugaise, pendant une heure avant de laisser la place à Chantal pour partir sur du groove tropical. À bientôt. Bye bye. Apoio para as empresas, neste caso, face às consequências.